Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Ah oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Comme elle... Vous êtes un personnage. Vous êtes Christian Petitevoix. Moi j'aime bien. Je sens qu'on va délirer là. Accrochez vos ceintures, surtout si vous êtes en caisse, bien sûr. La première invitée, elle est autrice, compositrice et chanteuse. Son nouvel album Seul sous ma frange sort le 20 mai. Elle a également travaillé sur le livre Sous mes paupières, écrit par Pomme, dont elle a fait les illustrations. Musique et livre pour enfants, elle est ni plus ni moins que la Pierre Perret du 21e siècle. C'est Pyjama. Bravo. Streamer, youtubeur et comédien, il anime depuis quelques épisodes une émission qui ferait passer Popcorn pour Télébocal. Je ne sais pas si les gens ont la rêve de Télébocal, personne ne l'a bien sûr. Non, je ne l'ai pas. Télébocal, c'était une chaîne qui était un peu associative, je crois. Toi, tu as notre invité, je reviens sur notre invité. Oui, bien sûr. Quelques faits pêle-mêle, il a participé aux 12 coups de midi. Oh la vache. Et a donné la réplique à Alexandre Alamy. Voilà, je peux vous dire, non mais voilà, j'ai résumé l'intégralité de ta carrière. Trucs, ouais. Non, il est sur, évidemment sur Twitch, il est comédien youtubeur, c'est Maxime Biaggi. Oh, bonsoir. Bonjour. Bravo. J'ai eu beaucoup moins d'applaudissements. J'ai vu la différence. Parce que toi, t'applaudis très fort aussi. Oui, c'est vrai. C'est ça. Il vient de revenir lourd avec une nouvelle vidéo où il parle de ces sociétés qui vous appellent de Rouen pour vous parler de votre compte formation. Monsieur Bernard, est-ce que vous avez 2 minutes à m'accorder? C'est Sylvain. Merci. Merci, merci. Pourquoi t'applaudis pas, Maxime? J'ai mal aux mains depuis quelques secondes. C'est dommage. 5 secondes. T'as tellement applaudi, Pyjama, que malheureusement, pour Sylvain, il restait plus rien. C'est chiant, hein. C'est dommage. Qu'est-ce que j'irais faire au paradis quand il fait le Floodcast près de moi? Qu'il le donne aux autres, le paradis. Je n'en voudrais pas, car je fais l'émission Floodcast avec lui. C'est Adrien Méniel. Elle est poussée, cette petite parodie de parole. Elle est bien, elle est bien. Ah, je l'ai poussée. Chers amis, comme à l'accoutumée, on va commencer avec les news du Floodcast. Un médecin coréen a étudié les profils des gens qui n'ont toujours pas eu le Covid. Des gens qui restent dans le monde qui ne l'ont pas eu. Tout le monde l'a eu autour de la table d'ailleurs à un moment. Je ne crois pas. Mais oh le sacré toi, sacré toi. C'est toi qui aime tellement le buzz. Je sais pas. Écoute, non mais j'ai l'impression d'être exclu d'un truc, tu vois, forcément. Tu fais pitié, hein, franchement. Gros loser. Je sais pas, donnez-le moi. Mais alors tu n'as pas l'air d'être sûr. Tu penses, à un moment t'as été malade et tu dis peut-être c'était ça. Non. Voilà. Ah oui, donc tu n'as juste pas eu du tout. Mais non, mais en vrai, j'en sais rien. Non, mais j'ai il pas est anti-masque, donc c'est pour ça que c'est quand même étonnant que je ne l'ai pas eu. Ça n'existe pas, le Covid. Oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Enfin, je veux dire qu'on est entre gens, voilà, intelligents. Oui, oui, mais. Non, mais là, en l'occurrence, un médecin coréen a étudié les profils des gens qui ne l'ont toujours pas eu, donc les gens comme toi, Sylvain. J'espère que c'est positif. Quelles sont ses conclusions? Eh bien, les gens qui ont des lunettes l'ont moins. Pas du tout. Il y avait ça à une époque. Les gens avec des lunettes n'avaient pas de. Mais c'est vraiment l'époque où on était dans le flou total et les gens faisaient des, on des suppositions. On était dans le flou parce qu'on n'avait pas nos lunettes. Le flou de cast. Non, mais il disait apparemment les gens qui ont des lunettes ont moins le Covid. Parce que ça rentre d'inventer. Pas par leurs yeux. Ouais, apparemment. Non, mais je les remets ça, de quoi. Ce pas. Comme par hasard. Trop tard, tu l'as. Ah merde. Est-ce que ce serait pas les gens qui ne sortent pas de chez eux, par exemple? Alors c'est un peu lié. C'est un peu lié, mais c'est pas les vraiment. Les gamers, Maxime. Tu dois avoir des problèmes de dos. Ah bah bien sûr, j'ai bouffé des pixels tous les jours. De le gourmand. Les gens séquestrés. Non, les gens hospitalisés avec une maladie grave n'avaient pas en plus le Covid. On cache l'ambiance. Les gens morts. Non, c'est pas ça du tout. Pauline était plus proche de la réponse. Pauline, c'est Pyjama. Bon, Pauline. Ouais, j'espère. Alors, ça veut rien dire. Non, tu étais beaucoup plus proche de la réponse, Pauline. Les gens qui travaillent chez eux. Non, c'est là pas marrant. Non. La réponse n'est pas forcément marrante. Hein, ah bon, mais d'accord. Ouais. Je croyais qu'on était là pour déconner. Les gens qui ont un système immunitaire particulièrement puissant. Oui, les gens là, qui ont... On est là pour un peu plus déconner quand même. D'accord. Les gens qui ont respecté les gestes barrières. Et oui, car on va faire un clip. Oui, les gens vont écouter cette chanson. Le message de Macron qui nous a demandé. Salut les garçons. Salut les garçons. C'est le même gars. Coucou les gars. C'est Macron. Je crois qu'un gangster est tombé love. J'ai fini par faire, je sais pas pourquoi il dit ça. J'avais dans la tête depuis aujourd'hui cette chanson. Fait que je le case un moment. Il y a une imitation bizarre de Macron. C'est passé. Ouais, c'était genre pas ça, mais. Ouais, mais on aimait bien. Mais on aimait on bien. On aimait ouais. bien ce Macron un peu genre salut. Salut les garçons. C'est Macron. La question co. Ah, bah, le pote à Maxime. Genre lui crache ah, oui. Ni plus ni moins que frère. Et comme ça, on est collé. Moi, je cherche la réponse. Hein. Ah ouais, non, mais oui, je savais, t'es à fond. J'en ai aucune idée. Donc, ils sortent pas de chez eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est un peu lié à ça. Ce sont des gens qui ont des animaux de compagnie. Non. D'accord. Pas du tout. Les jeunes? Non. Non, c'est rapport au, à la fréquence à laquelle tu sors de chez toi? Bah, oui, un peu, au final. Mmh. Ça peut être lié, en tout cas. Les gens qui dorment, qui font des bonnes nuits de sommeil. Non, c'est pas ça. Les gens qui vivent en appartement ou en maison? Non, c'est pas lié à là où tu vis. C'est vraiment palier. Lié à ton travail. Palier. C'est pas lié. Top comme mec. Appartement. C'est pas lié au travail non plus. C'est lié à ton quotidien. Célibataire? Alors, tu t'approches. Tu es marié? Non. Parce qu'ils sont bien chiés en fait. Non. Pardon. Les gens qui non, se branlent un max. Pardon? Les gens qui se branlent un max. Ah oui, j'avais bien entendu. Alors, célibataire plutôt. Bah, les divorcés, il reste plus que ça. Les jeunes parents. C'est pas lié à l'amour. C'est mais bah c'est... les jeunes parents, ça n'a rien à voir avec les gens l'amour. Qui se branlent. Oh les gens attachants. Les célibatantes. Non, pas du tout. Les gens qui se branlent la mort. Je l'ai dit ou pas? Je m'en rappelle. J'ai Gilles de la Tourette. Tu pourras proposer à chaque question. C'est faisable. Attends, il y en a une ou deux ou faut c'est pas. C'est dans mes cordes. Il y en a une ou deux ou faut ouais, pas. Ouais, ça va, je me maîtrise quand même. Je vais vous donner la réponse. Bah, bien sûr les que non. Endeuillés. Mais c'est un peu lié à ces gamers. Hein, oh qui merde, jamais. On y revient dans c'est les personnes virtuelles, les avatars non. virtuels de. Non, Jean-Luc Mélenchon. Les gens qui ont un max de V-Bucks. Comme ah, Maxime. T'as des skins un peu ou quoi? Oui, je suis crypto-enthousiaste. Crypto bro. Je sens que je vais découvrir des mots moi ce soir. J'aime. Non mais c'est, tu dis que c'est un peu rapport amoureuse. Au célib. Pas la vie amoureuse. Non, parce que vous êtes sur la vie amoureuse. C'est dans la vie sociale. C'est dans la vie avec les gens. Des gens qui n'ont pas d'amis. Bah oui. Très bonne réponse de Pauline. Ah oui, c'est, ça, oui, ça va de soi. Eh bah, j'ai mal. Du coup, tu ne sors pas. dans ta gueule, Sylvain. Donc ouais. Les grosses merdes qui n'ont pas d'amis n'ont pas le Covid, du coup, apparemment. C'était d'ailleurs dans la chanson ouais. Malfoy Carito. N'ayez pas de potes, vous n'aurez pas le Covid. Bande de grosses merdes. Oui, les adultes qui n'ont pas été infectés par le Covid sont ceux qui ont des problèmes relationnels, dit Ma-Sang-Yuk. Ouais. Ça lui ils a pris longtemps. Un avantage. Mais c'est le vice-président quand même de ça l'Institut. Ça lui a pris longtemps cette enquête parce que. Oui, évidemment. Enfin, c'est le président. Les gens qui voient moins de monde. Alors on a bien cherché, quand vous avez le virus du Covid, vous avez positif au test. Ouais. Mais on est les seuls à vous le dire. Voilà. Mais par contre, il a quand même effacé son message qu'il avait mis sur Facebook parce que les gens ont dit Oh, attends, moi j'ai pas le Covid, mais. C'est un message. C'est un statut Facebook. En fait, c'est professeur Raoul, tout simplement. C'est le vice-président de la société coréenne du vaccin. En fait, c'était pas une étude, il a juste fait une vanne. Il a fait Eh, ceux qui ont pas le Covid, vous avez pas de potes ou quoi? Et les gens ont dit alors, c'est une étude, vu qu'il est scientifique, ça doit être une étude. Non, mais c'était pour vanner les gens. J'avais mis l'emoji mort de rire. Je les ai clashés, tout simplement. Clash of Clans, tu connais, toi, le gamer. Oh la vache. Donc oui, toi tu n'as pas eu le Covid. Moi c'est aujourd'hui, c'est la première fois qu'on m'a fait que je l'ai avec vous. Je suis ravi de nous voir. Non, qu'on m'a fait la bise. Ah merde. Fait, la grand-mère de ma meuf, vu qu'on était avec la petite et tout, elle était toute contente. Les et... vieux, c'est les moins. Mais est-ce que c'est les plus rock'n'roll? Non, mais ils s'en foutent. Eux. Ils ont c'est ça. Ils veulent pas passer leurs dernières années à faire ouh, on va faire un mètre. Ils s'en foutent. Ils savaient s'amuser avec leur tank. Non, mais avec leur tante. Leur tank. Ah, parce qu'ils ont tous fait la guerre. Bien sûr. Surtout les grands-mères, elles étaient dans les tanks. Bah oui. Elles bombardaient. T'étais méga forte en histoire, je crois. J'ai pas eu. Ah si, en histoire, ça va. Ah ouais. 4 en maths, 6 en physique, mais le reste, j'ai carburé par moi, contre. Moi, j'ai eu 2 en histoire, moi. Ah ouais. Au bac, ouais. Putain. Moi, j'ai fait 8 histoires, 8 géo, j'ai pas fait. Mais t'as eu ton bac? Oui, quand même. Allez. Merci. Aussi avec mention bien. Oui, alors que moi, j'ai eu des bonnes notes partout. Non, mais voilà, je voulais pas. Je vous avais dit que je le détestais. J'ai fait une prépa Sciences Po, puisque tu me demandes. Mais ça se voit que t'es une tête, je trouve. Je suis très intelligent. Ça se voit pas dans ton contenu. J'ai eu beaucoup de trucs faux dans mes anecdotes là. Bon, vous triez chez vous. Vous triez, vous faites. En connaissant un concours d'anecdotes avec Macron. Oh non. Salut les gars. Oh, il est là. Ça va le président? Oui. C'est moi en fait. Merde. Pour trouver l'amour. Quelle l'amour, méthode l'amour, bon entendeur. Allez, salut. Tu parles ou il y a de la musique? Bah les deux, mon pote. Pour trouver l'amour, comme l'amour vendredi sur mer. Pour trouver l'amour, quelle méthode a choisi un londonien? Ne pas avoir le Covid. Non. Manger du roast beef. Oh Big Ben. Sortir de lieu. Ah, je rigole. Ah, je dénonce. Trouver l'amour. C'est un gars qui a fait ça ou c'est plusieurs gars? Non, c'est un gars qui a fait ça. Il s'est inscrit sur une appli de rencontre. Un peu plus délire. Sur un fruit, j'ai vraiment délire. Du mal à la culture chaleur. Alors sur fruit, je te rappelle que les cerises, c'est pour trouver ta moitié. Oh. Ah bon. Alors que l'emoji aubergine, c'est pour bien faire la queue là. Bien la queue bien dure là, que tu vas te faire branler sous un abribus. C'est pas un fruit. Derrière un conteneur à verre, tu vas bien te faire branler. Déjà, Adrien tient son micro comme Freddie Mercury, en plus il branle de l'air, donc sachez-le. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de version vidéo. C'est vrai. Le Patreon. Eh, à casse plus là, 6 balles. C'est quoi, bien sûr. Est-ce qu'il a posté des photos de lui dans la rue? Non. Est-ce qu'il a acheté une publicité dans la rue? Non, mais voilà. Alors, j'allais dire non parce qu'en fait, tu as la bonne réponse. Super. Il ne l'a pas. Non, non. J'ai dit non parce que tu as la bonne réponse. Non, mais allez-moi. Vous êtes un pervers narcissique. C'est comment? Vous êtes tous ces marionnettes. Mon bras, en fait. Vous m'entendez? Oh là là. Non. Attends, quel est ce fil qui sort de mon bras? Vous êtes les marionnettes. Mon nom de famille, c'est quoi? Bah, c'est Gepetto. Bah oui, mon gars. Ou non, en fait, Jeff, c'est pas dans la rue. Mais bon, c'est un peu sur la bonne, internet. T'as la bonne réponse. Et Sylvain a rajouté, c'était des pubs dans le métro, tout simplement. Ah, il a dû payer cher. Hein. Une photo. Bah, comme Cyprien avec Squeezie First. Squeezie First, hein, toujours. Ouais. Début mars, il s'est offert non pas une, mais deux publicités géantes dans le métro de Londres. On attendait un chiffre beaucoup plus gros. Non pas une, mais deux. C'est pas vraiment beaucoup plus. Et ça a marché? Alors, je vais absolument vous dire. Pas. Pour rencontrer l'assez décumé des sites de rencontres et bien décidé à prendre son destin mort en main, Jivan Bachu, un londonien célibataire de 31 ans, n'a pas hésité à s'offrir deux publicités. Ça lui a quand même coûté près de 2 400 € par affiche. Oh là là. Donc très motivé. J'espère autant s'acheter une poupée gonflable. Et un bras. Fuck my face. Alors, les gens n'ont pas le contexte. C'était hors contexte. Rien à foutre. Black Mirror. Okay. Et conifère aussi. Ah ouais, très bien, non, mais très bien. Il a dit être quelqu'un qui est très axé sur la famille, humble, et qui veut profiter au maximum humble. De la vie. Humble. Excuse-moi. Ouais, oui. Non. Moi je suis humble donc je m'affiche dans le métro 4 par 3, okay. Mais par pure humilité. Il ajoute aussi qu'apprécier l'humour, et ne pas prendre la vie trop au sérieux. Oh le connard. C'est vraiment une biotinder. C'est vraiment un mec Tinder, très très peu rassurant de dire j'ai besoin de m'afficher sur le métro, j'ai pas envie d'aller vers quelqu'un qui doit s'afficher sur le métro pour trouver la main. Forcément, t'en as plus envie. Et en plus, l'affiche, c'est lui qui tient la tour Eiffel en petit. Non, pas du tout, pas du tout. Mais apparemment, une stratégie a fonctionné au-delà de ses espérances. Si pour le moment, on ne sait pas encore si Jivan Bachu a trouvé son âme sœur, il assure que la stratégie a fonctionné au-delà de ses espérances. Il aurait déjà reçu plus de 50 réponses. Oh la vache. Mais il se serait mis dans la rue avec une pancarte célibataire, il en aurait eu plus. Surtout le Covid en plus. Quelles étaient ses espérances pour avoir plus de 50 et dire putain, quel succès. Non, mais en plus, 50. Non, mais ça se trouve, il a eu 50 appels, mais c'est des gens qui ont appelé par curiosité, peut-être quoi. Ouais. C'est quoi ce numéro? C'est vrai? C'est pour rire ou pas? Mais ah, c'est vrai d'accord, au revoir. C'est vrai qu'on dirait un truc de pub. Bah oui. Pour une marque, oui, justement. C'est ça, ou en fait. Truc, déjà, par tu ne dois même pas faire gaffe. La plupart des gens doivent. Enfin, moi, je regarde pas les pubs, donc. Dans le métro? Bah, je sais pas. Moi, je regarde ton téléphone, quoi. Peut-être. Ouais, non, lève les yeux, gens, mon pote. En fait. Scroll. Il y a Pikachu sur ta nuque. Putain, regarde. Bah oui, mon pote. Mais d'ailleurs. Je scroll. Hein. Bah, bien sûr. Mais j'étais dans le métro et j'ai vu des pubs pour le nouvel album de Big Flo et Oli, apparemment. Mais j'ai vu qu'il s'était mis dans un plexiglas à République. Oui. C'est à Toulouse, je crois. Oui, République de Toulouse. Ah ouais? Aussi, non? Je sais pas. Je pense que moi, je l'ai vu à Toulouse, mais. Ouais, je pense après, que non, mais tu vas faire ton intéressante, c'est pas grave. Ils sont qu'à Toulouse, hein, ils sont ouais. Nulle part ailleurs. Non. Et d'ailleurs, là-bas, on ne dit pas au chocolat. Non, mais je vous le dis. Ah oui? Non. Par ouais. contre, on dit comment? On dit chocolatine. Ah, c'est marrant. Non, mais je vous jure. Je déteste. Il y a deux teams ou pas? On a le tour de la table. Moi, je mets le lait avant les céréales, voilà. Ça m'énerve pas trop, Maxime. J'ai même pas envie d'en rire, en fait. Elle est très sérieuse sur deux, trois sujets. un homme de 37 ans a assassiné une femme. Ok. Ah, là vieux. Pour dénigrer. Pardon, parce qu'en fait on parle d'une femme qui est morte. Oui, oh, ça va. Pas marrant. Ça va. Et oh. Vous allez voir. Il a assassiné une femme pour une raison très personnelle. Vous allez voir quoi? Vous allez voir en fait. En fait comme, vous allez voir, c'est marrant. Vous allez voir. Faites-moi confiance. Laissez-moi prendre votre main. Eh, avec on moi. En rit pour pas pleurer. Attends. Sortez en terrasse. Mais ouais, galochez-vous, putain. Oh, putain. Je suis Nicolas Bedos. Putain. On a qu'une vie, bordel de merde ou quoi? Sucez-moi. C'est même du métro, ça. C'est ça. Oui, je vous ai pas dit le titre, c'était ça. Sucez-moi. Les phrases de Big Flo et Oli. Oh non. Non, la news d'avant. Expliquez bien. Donc un homme de 37 ans, très bon Floodcast, je me permets un petit débrief très tôt, c'est incompréhensible, c'est très bien. Un homme de 37 ans a assassiné une femme pour une raison très personnelle. Tu pourras en faire un TikTok, Adrien. Toi qui es avide de buzz. J'adore ça, il y a plus que ça qui me fait. Mais c'est vrai que t'es gavé au buzz. C'est vrai. Intraveineuse. Ah bah bien sûr. Grâce à ça que j'ai pas eu le Covid. Le vaccin Moderna, non, du buzz plutôt. Ça marchera mieux, je pense. Et l'effet tech. Donc cet homme de 37 ans donc, qui a assassiné de sang-froid une femme avec des voilà des avec passion. Sais plus, faut que je regarde. Ça prouve de lui qu'il est très rancunier. En plus d'être un meurtrier total, à votre avis, pourquoi? Elle avait fini les derniers yaourts. Non, elle avait dit pain au chocolat. Ah, attends. Est-ce que c'est sa femme? Pas du tout. Une femme, qu'il avait, avec qui il avait échangé sur Internet? Pas du tout. C'est une ancienne camarade de primaire. Mais putain, j'allais le dire. Putain, mais vous êtes deux potes. Bah oui. Faites un high five ou je me casse. Faites un high five. Yes, yes. J'ai failli casser, putain. Est-ce que c'est une employée de la poste? Ce n'est pas une employée de la poste. Et alors, ça aurait été génial. Ce n'est pas lié à. Enfin, ce ne sont pas deux amis de primaire. Est-ce que c'est une ancienne prof? Oh! Attention, je suis là pour gagner en fait. Vos blagues là, ça m'intéresse elle pas du tout. Elle l'avait mal noté. Elle l'avait, comment on dit, saqué quoi. Personne ne m'a entendu dire ça. Comme au Japon. Waouh! Oh! Il y a de la couper celle-là. Allez, moi j'y vais. C'est comme Salomé. Oh, Salomé Saké, la journaliste. Il a rebondi, putain. J'ai vraiment pas. Bah oui, moi, toi, t'es dans ta petite bulle, mais en fait, à l'extérieur, il y a un vrai raciste. Monde. Petite diams dans ma petite bulle. Donc, ça se passe en Belgique, ok ah. Oh non. Dans sa petite bulle raciste. Bonjour, des frites, oh, ça va, c'est bon. Merde. Alors, l'épisode sort demain. J'ai fait une petite nuit. C'est une montage là. Ça va là. Bon, tranquille. En gros, 16 mois après les faits qui ont conduit à des alors attendez, putain, j'ai raté une ligne. Il est bourré. Un homme de 37 ans a été incarcéré en Belgique après avoir avoué le meurtre d'une de ses anciennes institutrices, dont il n'aurait jamais digéré depuis 30 ans une remarque ou une attitude à son égard. 16 mois après les faits qui ont conduit à des centaines de prélèvements ADN pour les comparer à une trace de sang laissée sur place par le meurtrier, Gunther Hoevens a fini par se livrer à un ami qui a prévenu la police. Sympa. Apparemment, elle avait tenu des propos humiliant à son encontre, et donc pendant 20 ans, il a gardé ça en lui pour l'assassiner, tout bonnement, pour se venger de cette professeure. Fragile. Du coup, tu nous as dit de te suivre dans la rigolade. Ouais. Mais j'adore la chute. Non, mais ça me rappelle. Mais je crois que je non, mais c'est, en fait, c'est même plus vieux que 20. Enfin, il raconte avoir très mal vécu sa deuxième année de primaire, l'équivalent du CE1, en 91-92, en raison du comportement de l'institutrice. Selon ses premières explications, celle-ci aurait tenu à son égard des propos jugés humiliants. On verra si l'enquête corrobore avec ce qu'il affirme. Donc voilà, c'est vraiment une vengeance de. Aucun sang-froid. Comment ça, l'enquête? Ils vont enquêter quoi? Ils vont se dire, ils vont pourquoi demander au gosse de l'époque. Ouais, non, est-ce mais que bon, vraiment elle était. Est-ce qu'elle lui a taillé ses fringues? Est-ce qu'elle lui a dit, ton coiffeur, il est en prison? T'as le nez trop près de la bouche, elle a dit, je crois. Ouais, parce que. T'as déjà quoi, Adrien, pardon? Non, j'allais dire, ça me rappelle le truc où il y avait une université aux États-Unis où ils avaient fait une expérience sur un groupe d'élèves où ils disaient. Noter, il disait c'est parfaitement anonyme, personne ne lira votre truc et tout. Et il disait de noter en fait les choses avec lesquelles vous êtes le moins à l'aise sur votre personnalité, etc. Enfin, les trucs sur lesquels vous doutez, vos doutes les plus profonds, vous les notez et ce sera anonyme. Et en fait, je sais pas quel est. Enfin, c'était assez hardcore, je sais pas trop quel était le but de l'expérience. Ouais. Mais en gros, après, ils prenaient c'était les Squid élèves. Squid Game, je crois. C'était Squid Game. Non, et après, ils prenaient les élèves et ils leur lisaient. Leur truc en se foutant leur gueule en disant putain t'as marqué ça non. Bon j'ai pas bien compris le principe avec la voix de Denis Brognard en plus j'ai lu le garçon c'est Macron il est de retour mais vous vivez où monsieur Macron les lusures il y a un élève qui avait particulièrement mal vécu ce truc qui avait été genre traumatisé parce que c'était en fait le but était vraiment d'humilier les élèves et de voir comment compréhensible du coup voilà et il y en a un qui avait particulièrement mal vécu et il se trouve que ce mec est devenu The Unabomber qui est un tueur en série américain le twist chez Malan le mec qui et qui ciblait entre autres les profs d'université Bon après c'est pas, c'est, je pense qu'il aura fini par peut-être être tueur en série quoi qu'il arrive. Ouais. Mais comme quoi tu, le système scolaire. Je pense que les profs ont dû se dire peut-être merde sur ce coup-là. L'expérience là c'est peut-être a peut-être dû lâcher les encouragements sur ce truc plutôt que lui chier à la gueule. Non mais vous, il y a des profs qui vous ont un peu humilié ou vous gardez des souvenirs ou même peut-être même des élèves d'ailleurs, mais des profs un peu bâtards. Maxime, toi, est-ce que t'as eu des profs un peu durs malgré ton parcours scolaire exceptionnel? Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai eu un parcours brillant. Non. Alors moi c'était un peu différent, par contre j'avais un gros souci d'attention, vous savez, j'écoutais pas trop et tout. Fortnite. Et du coup j'avais une prof qui me terrorisait, en plus mangeait tout le temps des stop tout. C'était horrible, c'était juste l'odeur du stop tout. Vous connaissez pas les stop tout? Une espèce de réglisse. Une espèce de réglisse. Ah oui, comme les cachous en France en fait. Oui, c'est l'équivalent un peu des... Ça y est en France, ça y est. Des carensacs, des carensacs. C'est corse? Non, pas du tout. Stop tout. Ah non, non, c'est vraiment un truc. Chacun de tes mots, la question sera, c'est corse? Oui, oui. Pas du tout. C'est Jean-Luc Reichmann. Donc ouais, des trucs dégueulasses quoi. Enfin bref, en fait ça n'a rien à voir avec les stop tout. Vous allez voir, c'est pour ça que c'est bien qu'on ait divagué de chez nous. Non mais c'est très précis, ça t'a marqué quoi. Oui, ça m'a marqué parce que c'était le truc dégueulasse, personne ne mange. Parce que maintenant l'odeur est associée. Ah mais de fou. Alors, j'en parle encore maintenant, c'était ma prof de CP et tout. Attends. Et en fait, j'étais. Oui, vas-y. Genre, j'avais un fun fact sur les stop tout. Mon père, je crois. Non, c'est peut-être. Non, je sais pas, une anecdote super, mais je crois qu'il en bouffait. Il croyait que ça faisait redescendre le taux d'alcoolémie, si tu étais contrôlé. Je pense que c'est faux. Il pense que la terre est plate aussi. Bah, ça décharge. Après, il a déjà fait une nuit en prison et perdu son permis. Voilà. Bon, c'est papa, si tu m'écoutes. Ça marche pas trop. On l'embrasse. Je vais reparler de lui après. Non, mais du coup, j'écoutais rien et tout. Et du coup, la prof a dit bon, bah écoute. Faites un test de QI à votre enfant parce que je pense qu'il est surdoué et tout. Et bien le résultat, j'étais juste con. La psy a dit non, ça va. Il est pas c'est surdoué. Normal, vraiment, juste banal. C'est fou que tu dises ça. Ça m'est arrivé avec mon frère. Parce que mon frère est surdoué. Ah oui, tu. J'ai déjà dit dans un podcast peut-être. Non, tu me l'as dit à moi. Mon frère est surdoué. Il a sauté une classe. Enfin, en tout cas, il a sauté une classe déjà. Ce qui est lui, il s'en rappellerait parce que. Pourquoi? Bah parce qu'il est surdoué. Ah oui, voilà, exactement. Ouais. Banal, tu t'es même pas foutu de te rappeler combien de classes. S'il faut que tu t'expliques en plus ces blagues, c'est grave. Surdoué en fait. Et donc bref, c'est là exactement la même histoire. En gros, c'est on m'a testé le QI, donc ma mère était genre putain, mon fils il est surdoué. Le doublé. Et peut-être Flo? Non. Non, Flo, pas du tout. Franchement, tu te démerdes super bien. Merde. Dans la vie. Au final. Ouais. Ouais, franchement, je suis retombé sur mes pattes. Moi, on m'a fait mon père m'avait dit que quand j'étais jeune, il t'avait pensé. Ton père le mégalcolo, rassure-moi. Ouais, celui-là. Il s'était mis une murgeasse. Non, mais apparemment, déjà sur les classes, on m'avait dit que j'aurais peut-être pu sauter une classe, mais qu'ils n'avaient pas voulu le faire. Pour pas me décaler, et c'est vrai que mine de rien, c'est des trucs. Ouais. Ah, après, c'est vrai, peut-être que c'est juste sympa pour me dire. Bah, ouais, mais c'est vrai que mes parents m'ont dit ça aussi. Ouais. Que j'aurais dû sauter le CE1 et ils m'ont dit non. Ah ouais? Mais ouais. Bien sûr, mais bon. Bien sûr. Pour moi, t'es un gros con. Ouais, je crois que c'est la troisième fois que je te le dis, et à chaque fois, tu fais ah ouais? C'est un truc d'animateur, c'est pour. Ouais, bien sûr, oui, non, bien... c'est un truc de débilos qui est même pas surdoué. C'est vrai, surtout ça, ouais. Je suis pas un zèbre, je suis un simple cheval. Sans rayures. Une licorne. Salut les garçons. J'ai reconnu. J'ai entendu ce gars pendant le Covid et tout. Et du coup, oui, pardon. Par rapport au prof. Parce qu'en fait, il n'avait pas. Oui, bah ça non, va. Non, je sais. Mais Macron est incontrôlable. Non, mais je me dis qu'il y a des gens qui écoutent cette émission. Je sais pas s'ils comprennent. Non, c'est pas très grave. Écoute, ah bon, on est avec eux. Donc je suis habitué. Non, ouais, moi j'avais un prof de latin. Qui, je sais pas pourquoi, déjà j'ai fait du latin. Déjà, l'un, c'est aller en Italie. Lettres. C'était pas pour aller en Italie, souvent les mecs qui faisaient ça. Alors, si, enfin, non, c'était, ouais, baiser, non, c'était au collège, donc on faisait même pas. Ah. Ouais, c'est un max de baise avec mais non, je sais pas, je le sentais pas trop, il me sentait pas trop, il aimait bien se foutre de ma gueule, notamment parce que j'avais un appareil dentaire et tout, je sais pas pourquoi. Prof? Ouais! Oh, bâtard! Genre, il se foutait de ma gueule! Le mec est prof au lycée et quand quelqu'un a un appareil dentaire, il se fout de sa gueule, il a dû non, mais mépriser beaucoup d'élèves. C'était un con. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis entré donc dans ce collège en 6ème, tu vois, j'ai fait toute ma scolarité là-bas, et milieu de 6ème, mon père avait perdu son taf, qui était vitrier, machin. Et là, il se retrouve à génial. Venir bosser. Parce que le truc, ton père a pas vitrier? Bah si. Eh oui, allez effectivement, tout le monde. Cette ouais, j'allais dire. C'est quand tu te mets devant la télé. Ouais, c'est devant la télé et tu dis, ton père est pas vitrier. Ce qui a aucun sens. Hein. Ah, mais oui, j'ai pas connu la télé. Moi, j'ai connu que Internet. Twitch. Sur TikTok. Ouais. Directement. Discord. Parce que si ton père, il est pas une vitre, à la limite, ton père est pas un Velux, mais un vitrier. Tu n'es pas une vitre. Mon père n'était plus vitrier, merci. Et il a pas trouvé un autre taf. Le taf qu'il a trouvé, c'était homme à tout faire dans mon collège. Ah merde. Et ben. Voilà, ça aurait pu être un ah merde, sauf que moi je m'entends très bien avec mon père. Ouais. Il a tabassé le prof. Non, mais il lui a bien cassé les couilles. Ah ouais, il a cassé les couilles, il a foutu la pression et tout. Ah j'adore. Et il a fermé sa gueule. Ah trop bien. Et il lui a mis un appareil dentaire à vie. On va applaudir ton père immédiatement. J'aurais aimé. Pour moi, c'est lui mettre une patate. Ouais. Pour moi, c'est Schwarzenegger dans Un flic à la maternelle. Will Hunting, mais. Mais tu vois, j'avais pas ce truc. Taken. J'avais pas ce truc de. Putain, c'est chiant, ton père est boss au même endroit, tu vois. Ah, bah oui, c'est trop bien. Genre, les autres, si c'est... Il engueulait aussi les gamins et du coup, il cassait pas les couilles et tout le monde était genre. C'est mieux que de grandir sans père. J'imagine. Alors. J'imagine. Oui, sûrement, ouais, sûrement. Pauline, ouais. Toi à l'école, est-ce que t'as eu des profs qui te sont été un peu bâtards avec toi, qui t'ont saqué? Moi, j'ai eu une prof qui m'a tiré l'oreille et qui m'a dit grosse LED. Parce que j'ai. J'ai pas drôle du tout, les mecs. J'allais vraiment pas réagir comme ça, normalement. Parce que j'ai grandi dans le Je sud. Je repense au mec qui a tué la femme. Trop drôle. Tu as capté la vanne. Ça a mis le temps à monter, mais il l'a assassiné, mon pote. Vas-y. Pardon. C'est chaud. Grosse LED. Avec grosse l'accent. LED. Grosse LED. Et donc, en fait, j'ai toujours été bonne élève, mais c'est vrai que je bavardais beaucoup. Et je déconcentrais pas mal les autres avec mon physique. J'étais pas belle. J'étais laide. Non, je vous jure que j'étais laide. Et on ne blâme pas la victime. Et ouais, j'ai eu souvent. En fait, les profs rigolaient à mes vannes et après, ils me mettaient des avertissements en soum-soum. Ah, tu vois. Pas cool ça. Mais quand j'ai eu donc 16 ans, j'ai été à la Nouvelle Star. Bon, bien calmé. Pour passer. Ouais. Et mon prof de physique me disait que si je dédicassais ma copie, il me rajoutait un petit peu des points. Quelle merde. Monsieur Chaudier, si vous nous entendez. Ton père est pas Chaudier, non. Non, il était pas là. Tout ça pour dire que j'avais l'impression d'être un peu. Enfin, je me faisais souvent humilier, on me parlait mal, les profs, mais j'étais cool comme élève. Et, mais du coup, j'avais un peu l'impression d'être stupide, et en fait, après, je suis devenue la plus riche de tous, comme Damso. T'es tombé love, j'imagine. Pas en trop. En tant que gangster, non. Okay. Pas encore. Mais D'ailleurs, toujours célib, comme le premier Floodcast. N'hésitez pas à contacter moi. N'hésitez quand même. J'ai croisé deux mecs avec un pull Floodcast cette semaine. Tiens donc. Ouais. Voilà. D'ailleurs, dans la dernière. C'était Adrien et Flaubert. Hélas. C'est maintenant. Ouais. Et ils se baladent tout le temps côte à côte pour qu'on les reconnaisse. Non, dans la dernière vidéo de Aurélien Prévost, Anis et Freddy, il y a un mec. Le mec qui arrive à battre Anis au puissance 4. Il a une casquette Floodcast. Oh voilà, donc notre public est brillant. J'ai un ami qui a un pins Floodcast et qui l'a payé. C'est impossible parce que c'était donné gratuitement avec une commande. Le pins. Il s'est fait pigeonner. Il t'a mis tonné. Il l'a pas payé. En tout cas, il m'a dit qu'il l'avait sur lui. Quoi. Et j'ai dit, mais qui achète ces merdes fabriquées en Chine? Alors, oh là là. Pas du tout, justement. C'est pour ça que c'est si cher. C'est bien d'Auvergne. C'est fait avec du lait d'ânesse de femme. Mais vous diriez. Ah oui, je trouve que ça me fait penser à un truc. Vous diriez vos profs ou pas? Je trouve qu'il y avait une petite satisfaction. Moi, de faire des conneries qui faisaient rire les élèves et les profs. Attends, j'ai pas compris la question. Est-ce que vous. Bah, toi, oui, du coup, parce que tu viens de le dire, mais est-ce que vous faisiez rire vos profs? Ah, parce oui. que je trouve que c'est un peu le pouvoir surhumain de faire rire et les élèves et les profs. Toi, tu faisais ça, Adrien? Alors, moi, j'avais aussi un prof qui m'aimait pas, je peux en parler. Vas-y, rapidement, je t'en supplie. Il doit être mort, je viens de lancer. Moi, il y avait. Mais non, j'ai réclamé. Sur un autre sujet. Je l'ai lu. T'as dit quoi? Vous l'avez. T'as dit, ouais, la télé, elle était en noir et blanc à l'époque, c'est ça que j'ai dit. Il doit être mort parce que c'était il y a longtemps. Ah, mais trop drôle, putain. Bah, moi, il m'appelait pas gros lait en tout cas. Comme Cédric, c'est le pâtissier. Ah oui! Les mecs, moi, je suis là pour les vannes après. Le zèbre! Le zèbre de Maxime. C'est les Maxime fruits, là. Zèbre. Et donc ton prof. Non, moi, c'était un prof de fait. Français qui. Il était pas spécialement. Enfin, si, il était un peu humiliant. En fait, il était persuadé que j'étais con. Et nul en français. Donc, il me foutait vraiment des mauvaises notes tout le temps. Mais t'avais des bonnes réponses? Bah, c'était de. Tu sais, c'était. Français, c'est pas des questions, c'était des. Ah oui, oui, des pardon, trucs comme oui, des plus vieux, et l'Albatros, notamment. Oui, bien sûr, j'ai on que cette rêve. Voilà. En carta. Non, et il me foutait tout le temps des mauvaises notes, et il était un peu méprisant envers moi. Et un jour, c'était le bac blanc de français. Et donc, du coup, c'était anonyme. Et lui, il arrive, il dit J'ai vos copies corrigées. Et en fait, avant qu'il puisse les décacheter et les distribuer, il y a une élève qui prend les copies et qui dit « Ah, ça, c'est l'écriture de qui ?» et qui les distribue parce que c'était anonyme. D'accord, ok. Voilà, le nom était caché. Ok. Et donc, chacun récupère sa copie. Et j'ai 16. Comme Damien ? Exactement. Ouais, il accuse. Et du coup, le prof, après, a dû aller voir chaque élève en demandant la note, parce que lui, il n'avait pas pu les noter, puisqu'il n'avait pas encore... Et donc, il m'a dit, il fait chaque élève, et il me dit, ah, vous avez eu combien? Donc, je lui dis, bah, 16. Et il fait, non, mais sérieusement, je dis, bah, si, 16. Et il fait, oh, bah, dis donc, c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que c'était lui-même qui avait coché. Je t'invite à l'assassiner. Oh, bah, lui, il est vraiment dead, par contre. Il est déjà vraiment à l'article de la mort à l'époque, donc il est. Son nom il, on est pas obligé, mais. Bon, on peut. Monsieur, vieille merde qui juge mal. Vieille merde séchée. Qu'est-ce qui a été trouvé dans un pub londonien et que la police recherchait depuis 10 ans? Oh, il est à Melun, Pete Doherty. C'est vrai, il est beaucoup en France. Mais il y avait une période où vraiment il était soit au Truskull, soit à Melun. Ah ouais, c'est vrai. Comment le Truskull peut revenir aussi souvent? Je sais même pas ce que c'est, on dirait un gâteau. Parce que c'est une porte vers l'enfer. Tu connais pas le Truskull? C'est un bar rock, donc déjà, t'imagines, à Paris. Tu crois que je traîne là-dedans? Mais non, bien sûr que non. Non, parce qu'Adrien, il m'a dit, tu connais pas le Truskull? Mais non, mais même moi je connais, alors je n'ai jamais, je bois à peine de l'alcool. Mais tu rigoles, tu sors tous les soirs. Alors que oh là, rogne comme toi, forcément. Non mais donc le Truskull c'est un bar. Voilà, c'est un endroit pour se finir. Dominique Truskull. Oh oui, elle oui, a oui. Steve Truskull. C'est moi qui ai fait ça. Oh là là. C'est quoi ça, ça. Ah, je l'ai mais. Oui les garçons. Ah, c'est Macron. Non mais Steve Urkel, donc vous connaissez pas Steve Urkel. Voilà. Personne ne connaît Steve Urkel. Peut-être de nom, mais voilà. je t'aiderai pas beaucoup là. C'est avec les lunettes. Mon âge pèse lourd sur mes épaules. Oui, bien oui. Je vois qui c'est. Bon bref. Ouais, à ce point-là, putain, je pensais que c'était quand même un peu connu. Bah non mon gars. Parce qu'il y a Terminado, TikTok. 29K likes. Robocop. Ouais, voilà. Donc bref, le Truskull, c'est un bar où le sol colle énormément. Ça pue la pisse aussi. Il y a une petite odeur de pisse. Comme chez moi à peu près. Bon, pour le moment, c'est chez toi. Oui, on voit ton chien. C'est dégueulasse. Oh, il a dit que ton chien il était pas ouf. En vrai, tu l'adores. Oh, bah oui, je l'adore, mais ça se voit qu'il sent la pisse. Non, pas du tout. tu sais comment elle pisse? Elle fait le poirier sur ses deux mains. Non. C'est faux parce que sinon tu l'auras posté en story. Non, je respecte son intimité. Elle fait le poirier et elle pisse pour pisser. Ah, comme les humains quoi. Pardon, mais elle est vraiment conne de faire ça. Oh oh mais là, c'est pas parce que t'es surdoué. Excusez-moi, vous serez pas un peu sexiste parce qu'on est deux seules femmes du podcast, non, Sacha et moi. Pas du tout. C'est vrai. C'est et pas Valérie du tout. Pécresse qui est très discrète, qui est ta présidente, je crois. C'est ce que tu disais avant. La présidente de mon cœur, ouais, bien vrai. Sûr. Mais elle doit s'occuper de l'Ukraine là, donc. Tout d'abord, laissez-la gérer. Donc, qu'est-ce qui a été trouvé dans un pub londonien et que la police recherchait depuis 10 ans? Une intégrité. C'est très simple, hein, vraiment. Un enfant. Non. Qui n'est plus un enfant, du coup. Non. Ah, le flingue d'un des. Ah non, un collègue à eux. Alors. Un truc de foot. Non. Adrien s'approche. L'arme de service d'un keuf. Non, pas l'arme de service d'un keuf. L'uniforme. Non. Un tueur. Alors, pas un tueur, mais tu t'es pas si loin. Un criminel badge, un badge de FBI. Non, bah, pas un badge pièce à conviction. FBI. Pas une pièce à conviction. Quoique, peut-être un peu, mais c'est pas la réponse. C'est un objet. C'est pas un objet. Une personne. C'est une personne. Un alibi. Un témoin. Non. La victime. Quelqu'un qui avait disparu. Un le enfant commissaire disparu. Commissaire Moulin. Alors, tu peux rajouter un petit détail, peut-être. C'est quelqu'un qui avait disparu. Xavier Dupont du. Oh. Ouais, j'ai. Oh hey hey, le chien hey. Non. Alors ça c'est non. C'est plus la pisse. Arrête. Sans là. Plus la pisse. Plus la pisse. Sacha, je t'aime. Plus la pisse. Elle fout une ambiance de merde. On rigolait bien. On était bien et t'as vu. Mais ouais, c'est depuis quelqu'un qui avait disparu donc. Alors oui mais depuis petit détail. Bah qui était décédé. Le squelette. Ah, oui. Ah, qui était tout bonnement. Sébastien Follin. Non. Mais on cherche pas la personne. Non. Roy Biggs, un Britannique porté disparu depuis le 1er février 2012, dans l'est de Londres, a été retrouvé dans le congélateur d'un pub. Ce sont les ouvriers qui participaient au chantier de rénovation du bar qui ont fait la macabre découverte en octobre dernier. Mais ils mangent vraiment n'importe quoi, les Anglais. Oh les roast beef. Bienvenue dans la bulle raciste de pyjama. La victime a pu être identifiée grâce à ses empreintes dentaires. Nous pensons que le corps de Roy se trouvait dans ce congélateur depuis plusieurs années. La police vient de lancer un appel à toute personne susceptible de le connaître pour qu'elle prenne contact avec elle. Parler aux personnes qui le connaissent nous aidera à établir non seulement son style de vie et ses habitudes, mais aussi à la date à laquelle il était vu pour la dernière fois. Si vous connaissez Roy, n'hésitez pas à nous contacter. Il est né le 8 septembre 1944. Mais c'est fou d'être à l'aise avec l'idée de tuer quelqu'un pour l'oublier dans un... Ah non, mais lui, il avait 70 ans. Donc peut-être juste, il était décédé, il savait pas quoi en faire, et ils l'ont mis dans le congélo. Oui, comme tout à chacun. Non, mais... attendez, les frais de succession, voilà, les pierres tombales. Genre, tu dis ça comme si c'était. Ah oui, effectivement. Je suis très oui, déconnecté de la mort, vous l'avez remarqué. Depuis le début de l'émission, je suis très pisse. Ah oui, c'est, la c'est la décision logique, oui, effectivement. Pardon, j'avais pas pensé à ça, mais plus bien pratique, sûr. En tout cas. C'est cool de source. Ce que je veux dire, c'est qu'il a pas forcément été assassiné. Je sais que le voilà. Peut-être qu'il s'est dit, oh, je me sens pas bien. Il s'est mis dans un congé. Attends, tu penses que. Oh putain, mais cela dit, c'est arrivé ça. De quoi donc mais ça, c'était dans. J'ai... Dans Code Quantum. Non, dans On de la raconte. Ah oui. Une, ils ont retrouvé une dame dans un congélo. Ils ont enquêté, genre, qui l'a tuée et tout. Et en fait, elle était. Elle s'est suicidée en se foutant dans son congélo. Et ils ont retrouvé une lettre écrite de sa main qui disait: je veux pas être un fardeau, machin. Et la je meuf, elle s'est. Je préfère être un croustibat. Et voilà. Et donc, c'est possible. Après, c'est pourquoi il irait faire ça dans un pub? Mais peut-être, non, ouais, mais... surtout que le congélo n'a pas été ouvert du coup depuis. Oui, c'est ça. Ça veut dire que les gérants du pub, soit on fait avec, genre ils vont oui, poser ça, la roue. Les oh, petits foies, oh, bah, c'est au-dessus de. C'est juste sur la tempe de Roy. Ou alors, ouais, ils l'ont tué quoi. Non, ils l'ont tué. Je pense qu'il a été assassiné. Il a été assassiné. Mais c'est dommage, ils le disent pas. Mais les gens l'ont oublié. Ça veut dire que les gens ont oublié. Genre peut-être quand il y a eu un changement de propriété, on fait dire, oh merde, j'ai oublié mon dernier single. Oh oh là là. Promo, dispo sur toutes les plateformes. Ouais, pas beaucoup de vues sur YouTube, allez voir. Allez. N'hésitez pas. Allez les Floodcastaldi, allez la communauté, envoyez de la force. Ah. Ouais, salut les garçons, allez voir le clip. Bah, le président fait ta promo, c'est ouf. Votre il ferait mieux de faire la sienne en ces temps d'élection. Oui, il le fait un peu. Alors le débat, vous êtes contre, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur le président? Oh la vache, il s'est transformé en Bourville. C'est le, vous êtes Bourville? Vous êtes le président? J'ai la flemme. Ça fait longtemps que t'as pas fait Mitterrand aussi. Ah ouais, ouais, on garde ça pour l'Olympia. Non, les pépites comme ça là. Tu vas jouer ça. À l'Olympia? Ah oh, bah elle est même pas au courant. Tu suis leur actu ou tu t'en fous? C'est pas vrai. Tu vois la salle Olympia? Non mais. Qui appartient à Bruno Cocatrix? Oui, je connais. Il y a notre nom. Mais on l'a rempli. J'ai déjà joué, d'accord. Et ben nous on l'a rempli, mais en et quelques heures. Ben moi je l'ai heures. Pas rempli, j'ai fait une putain de première partie. Ah bah c'est bien. Alors bah, c'est vous l'avez bien, rempli déjà. En quelques heures et en vous allez faire heures. Quoi on fait une alors, tournée. Calmos avec tes questions. Ah, ce qu'on va faire sur scène, c'est alors on va faire votre promo. Bah oui, c'est vrai, mais dans notre promo. Oui, mais on ne sait pas ce qu'on va faire sur scène encore. Ouais, puis on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Déjà imiter Macron, a priori. Ça c'est validé. On va faire 15 minutes avec ça, a priori. Maxime va faire un peu de gaming. Bah plaisir. Mettez-moi une mallette et je suis parti. Ah, t'es pas un PC Master Race. Je fais tout moi mon gars. Je transcende les frontières. Et c'est quelle date? De septembre. Septembre, septembre, fin septembre. D'accord, comme mon anniversaire finalement. On le fait pour ça. D'accord. On le fait pour ça. Que va commercialiser la marque Heineken très prochainement? Des la bières. Bière. Oh, ouais, vous êtes cons les merdes. Trop con. Vous du êtes parfum, trop con. C'est du parfum. Maxime, il a pas répondu. Pourquoi? Parce que la blague de la bière était vraiment trop facile et moi je suis un peu au-dessus quoi. Un zèbre. Je le déteste. Zèbre. Tu vois les mouches qui sont sur ton trou du cul? C'est un zèbre. Les mouches sont sur ton trou du cul. Waouh. Bah si, des zèbres. Non, mais oui, je comprends. C'est peur de parler du trou du cul de Maxime Biaggi. De la bière avec un petit peu d'alcool. Non. Du parfum? Non. À la bière? Pas de l'eau? Pas de l'eau. Des bomblards. Des petits bomblards. Des voitures? Non, pas des voitures. Ah non, pas des bombecs. Des alcotestes. Non, j'allais dire. Oh là là. Ouais, la voiture. Pompier pyromane, tu vois. Ouais. Non, pas ça. Des trucs en rapport avec le Covid? Aucun. Je préfère. T'étais saoulé en pendant. Est-ce que c'est un objet plutôt connoté pour les femmes ou pour les hommes? Il n'y a pas de connotation. Ok. Non. C'est un objet décoratif. C'est un monde du futur dans lequel okay, tu es. Ok, pas de problème, je vais essayer de m'adapter. L'écriture inclusive, c'est quoi? C'est pas un objet, c'est pas un objet décoratif. C'est un objet pratique? Pas spécialement. Quelque chose qu'on peut manger ou boire? Non, pas du tout. Vêtements? Non plus. Ce n'est pas un objet. Des NFT? Alors, c'est pas des NFT, mais on s'approche. Flûte. Des singes immondes comme la profile pic d'Ivic? D'Ivic, bien sûr. Ouais. Non, alors c'est pas ça. C'est pas ça, mais on s'approche. Ah bon? Ouais. Ils vont faire une crypto-monnaie? Non. Un métaverse. Alors? Ah! Oui. Oh non. Pas une métaverse, mais. De métaverse. Non, tout simplement. Une boutique. Une bière, mais uniquement disponible sur le métaverse. Oh la vache! C'est trop bien. Moi, c'est la cybergoûtée. Si vous achetez ça, vous mais on est d'accord crevé. Que le futur devient vraiment futur nul des années 80. Oui, c'est ça. On va boire une métabière. On va être cyberbourré. C'est trop bizarre. On dirait des boomers qui font des blagues à Noël, mais sauf que ça va vraiment exister. Ouais. Ça va être vraiment le futur. La Heineken Silver, La présentation de ce nouveau produit a été effectuée par le directeur mondial d'Heineken lors d'une conférence de presse dans l'espace virtuel de Decentraland. Decentraland. Mais rien de fait envie, c'est horrible. C'est la nouvelle attraction du Futuroscope. Par ça. Avec le lancement de la nouvelle Heineken Silver, disponible exclusivement ici dans Decentraland, nous apportons une... C'est trop bizarre. J'ai investi dans Decentraland il y a quelques années. Ah ouais? Voilà. Oh, mais t'es légitime du coup un peu. Mais tu es crypto. Est-ce que tu as investi dans l'appellation du truc? Non. Mais voilà. Et je m'y suis baladé l'autre jour. Ah ouais? C'est moyen. Mais attends, mais est-ce qu'on peut expliquer c'est ouvert, ce qu'est Decentraland pour ma mère qui va écouter le podcast? Bah, le fan, c'est pour moi aussi, parce que je sais pas ce que c'est. Et en gros, c'est tous ces métaverses et ces mondes virtuels qui existent depuis la nuit des temps, mais qui sont revenus à la mode. T'as fait une excellente vidéo sur Second Life, par exemple. Allez, aller regarder. L'histoire ne fait que se répéter. Et en gros, ouais, c'est un truc où t'as pareil des plateformes, enfin des parcelles de terrain que tu peux acheter et tout. J'ai pas investi, c'est juste j'ai de la monnaie de ce truc que j'avais acheté il y a longtemps et voilà. Wow, ça t'a rapporté un petit pécule. Tu connais Zuckerberg, toi? Ouais, c'est un bro. Ni plus ou moins qu'un bro. Mais ouais, non, c'est pas fou, quoi. Non, mais écoute, bah, peut-être avec le futur. Parce que là, mais j'irai boire une cyberbière. Bah, je t'en une américaine cyber. Tu vis dans un bro ou pas? Oh, j'ai le mot. Allez, la Heineken Silver est plus qu'une bière. C'est la combinaison d'une grande quantité de beaucoup moins, je pense. C'est mais... une arnaque. Beaucoup moins qu'une bière, je pense. Mais vous êtes prêts à voir Adrien un peu énervé? Écoutez bien. La Heineken Silver est plus qu'une bière. C'est la combinaison d'une grande quantité de pixels, un soupçon de code informatique et beaucoup de nuits de programmation. J'adore. Ça, j'adore par contre. Voilà, ouais. Là, celui-là, il se régale. Première loge. Aucun ingrédient caché ou même ingrédient tout court. Après Nike, Adidas ou encore Carrefour et Casino, Heineken a fait le choix de s'immiscer dans ce monde virtuel dont le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, ne cesse de vanter les mérites. Et en fait, c'est Animal Crossing, mais où tu payes vraiment pour les trucs, quoi. Ouais, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu ça l'idée, quoi. Je crois qu'il y a Qui est Tom Nook à la fin, du coup? C'est Zuckerberg. Est-ce que ce serait pas Macron? C'est Tom Nook. Et alors, il y avait une vedette pour présenter la Heineken Silver, une égérie. Oh. À votre avis, laquelle était-ce? Taylor Swift, tout simplement. Égérie Seinfeld? Non. Non. J'aurais bien aimé. Égérie de Nekfeu? Non, c'est pas Nekfeu. Ce n'est pas Nekfeu. Un homme? C'est un homme. C'est pas Snoop Dogg. Ce n'est pas Snoop Dogg. Il a fait des trucs. Qu'est-ce qu'on attend, bien évidemment? Est-ce que c'est un homme thug ou un homme un peu fragile? Il y a deux types d'hommes. C'est ou t'es thug ou t'es fragile. T'es fragile. Je veux pas savoir fragile. Qui est vraiment complètement autre chose. Non, je ne saurais te répondre. T'es young thug ou... Ouais, bien sûr. T'es un phrasé. Aussi les épaules, genre, bah écoute. Je sais pas, moi je te... Un américain? Non, écoutez, il est français. Oh, Cocorico. Xavier Niel? Pas du tout. Quelqu'un qui aime bien l'alcool? Jérôme Niel? Non, pas Jérôme Niel. Depardieu? Vous pouvez enlever Niel de votre esprit? Pas Depardieu, parce que j'en connaissais pas. Pas d'autre. Un acteur? Non. J'allais dire un comédien. Non, donc, pas un acteur. Pas un acteur. Un chanteur? Non. Un politicien? Renan Luce, trop non. bizarre. Non. La nouvelle bière. Pensez à un investisseur? Non, non, non, c'est vraiment quelqu'un de connu. Un rappeur? Pas un rappeur. Pensez à Heineken Silver, ça n'a rien à voir avec une consommation d'alcool, la star. Eddie Mitchell? Non, mais attends, c'est pas un acteur, c'est pas un chanteur? Non. Si, c'est un chanteur. Non, c'est pas un chanteur. Arrête, si. En fait. Non. Arrête de tout ramener au chant. Oh là là, elle peut pas s'en empêcher. J'adore la zik. Alors, attends. Mais il est connu pour quoi? Mais rien d'autre métier. Présentateur télé? Oh, j'allais dire Jean-Pierre Pernaut. Jean-Luc Reichmann? Non, non, non. Un podcasteur? Un streamer? Qui veut gagner des millions? Pas Foucault. Un streamer? Foucault qui devient. C'est pas Squeezie. Une personne d'internet? Un youtubeur? Internet, pas youtubeur. Mais il n'existe pas. Il y a d'autres gens connus en football. Un footballeur, c'est Mbappé. Non, c'est pas Mbappé. C'est Zidane. Non, Griezmann. Non. Un footballeur de l'équipe de France. Makelele. Il a été dans l'équipe de France. Ribéry. Le chauve. Il y en a pas mal. Non, mais je sais pas comment Gérard Lechauve. Gérard Lechauve. Il a été en France 98. Bah mec, Barthez. J'en ai aucune idée. Non mais quand on a gagné, non. Il est plus en activité. Il est plus ok. Je crois qu'il est capitaine Laurent de Laurent Blanc, mais je connais rien. Non, pas Laurent Blanc. Dugarry. Non. Michel Blanc. Non. Lisa Razou. Le problème, c'est qu'on peut pas te poser des questions du coup parce que tu ne sais, t'as petit aucune info. Grave, sur grave. Attends, mais non, il mais est, si, il est connu, un peu je connu, le connais, connu par exemple. Pour les gens qui connaissent pas trop le foot. Bah oui, parce que je le connais. Emmanuel Petit. Non. Emmanuel Macron. Lisa Razou. Non. Ah, mais non, ça a été proposé. Non, non. Ah bon? Oui, oui, par moi. Personne m'écoute, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Arrête, Maxime. C'est exactement ça. Non, mais c'est en train de me. Non, enfin, mais Maxime, si un lion, fuis. T'es un zèbre. Tu non, es lion. C'est vrai. Maxime, tu es lion de signe. Non, je suis Gémeaux ascendant Cancer. Attention, ça veut dire que je fais beaucoup de blagues. Attention à ses pinces. Ses blagues sont piquantes. Je vais te faire penser ou quoi? Ouh, les garçons. Écoute, Flaubert, on ne veut pas trouver ton footballeur. Si, on va trouver, on va trouver. On ne change pas de jeu. Platini. Pas Platini. Il est mort? Non. Non, il est président de la FIFA, non? Zidane, on l'a dit. Zidane. On l'a dit. On l'a dit. Anelka. Pas Anelka. Mais. Mais il reste un. Thierry Henry. Ouais, c'est Henry. C'est Henry. Bah, oui, un déconneur. Bah ouais. C'est un déconneur, Thierry Henry. Mais alors, bien les mecs, on a mis du temps à trouver. C'est Thierry Henry qui est apparu sous forme d'avatar en train de jongler avec cette canette d'Heineken Silver. Oh putain. Bah putain, oui, adoré. Cependant, outre un aspect de communication non négligeable, nul ne sait quels sont véritablement les objectifs du lancement d'une boisson virtuelle qui ne comporte aucun ingrédient caché ou même un ingrédient tout court. Ou même aucun intérêt. Oui, c'est déjà la ils ont fait. Voilà, on a fait ça. Personne sait pourquoi ils ont fait ça. C'est très étrange. C'est là. C'est ce que vous voulez. Moi, j'aime bien qu'ils disent pas d'ingrédients cachés comme argument. Tout, quoi. Bah, y a des petits, y a des petites lignes de code là, délicieuses. Vaut mieux une ligne de code qu'une ligne de coke. Pas du tout. Ah, t'as à dire quoi? Une ligne de pêche. Ah ouais. Elle déteste la pêche en même temps. Mais toi, Sylvain, t'es un peu connecté dans le virtuel, dans les trucs comme ça. Est-ce attention. Que toi, tu vois un certain avenir intéressant dans ce truc-là? Est-ce que toi, tu pourrais être intéressé par une bière, évidemment, mais une cyberbière. Une cyberbière. En fait, une cyberbière. Une cyberbière. C'est con parce que t'as une civière. Ouais, ouais, bon, écoute, hein. Je la prends, cette vanne. Ouais, non, mais en fait, je sais pas, je suis très tiraillé. C'est-à-dire que j'aime la technologie autour de ça, mais enfin, tu vois, là pour le moment, les exemples qu'on nous donne sont pas bandant du tout. Ouais, quoi. Là, c'est, je veux dire, ça fait bander personne. Ça, quoi. Mais cela dit, moi je trouve que déjà la réalité virtuelle, ça a mis du temps avant de devenir vraiment intéressant. Quoi. Ouais, ça commence au début, à devenir cool. Tu mettais un casque, c'était de la chiasse. C'était les pires jeux que t'avais jamais vus. Non, ça faisait pas envie, quoi. Moi, l'exemple de la VR, c'est, tu vois, quand tu veux faire tester la VR à quelqu'un, il lui faut un premier jeu. Et un des meilleurs jeux pour ça à l'époque, en tout cas au début, c'était Job Simulator. Donc tu lui donnais un jeu où fallait taffer. Voilà, tu vois. Et donc t'étais vraiment un caissier. Ouais. Tu scannes des trucs. Et c'est marrant parce que tu fais, oh, je peux attraper les objets. Mais tu vois, ça vendait pas du rêve. Après, il y a eu Half-Life Alyx qui est très bon, tu vois. Bien sûr. La meilleure expérience. Beat Saber. C'est celui que je connais, bien sûr. Moi, je parle de encore avant. Pac-Man. Non, mais au tout début, mais moi, je me souviens que j'avais, il y a longtemps, j'avais fait un truc de réalité virtuelle à la fête des loges, la fête foraine. Il y avait un truc de. Mais c'était. C'est pas si drôle. C'était en 95. Non, mais c'était il y a longtemps. Non, mais c'était non, le truc de Nintendo, non, non mais, mais je crois même pas. C'était vraiment un truc qui était vraiment nul à chier, quoi. Oui. C'était un fusil où tu tirais dans des ballons, je crois. Mais c'était une sorte de Doom merdique, quoi. Mais non, mais c'est justement parce qu'on dit. Le propos était que ça a mis du temps à devenir cool. Ouais. C'est vrai que voilà. Mais ça s'améliore encore ou pas d'ailleurs la réalité virtuelle. Ou est-ce que j'ai atteint un peu un. Toi, t'as le 2, le. J'ai un. Le plus. J'ai un HTC Vive. Ah. Oh, le mec, fais pas comme toi. Non, mais je l'ai acheté tôt. C'est un casque de réalité virtuelle avec des petites. Mais petites, tu peux. Ouais, où tu mets les capteurs dans la pièce. Exactement, c'est ça super chiant. Et, mais c'était au début et je voulais. T'as pas envie d'acheter un Quest? Bah, pourquoi j'achèterais un nouveau casque? Bah, parce qu'il est mieux. Ouais, mais bon, déjà que je me sers pas du premier. Ah oui, voilà. Oui. Ouais, moi j'ai un Quest, je m'en sers pas, cela dit. Voilà. Tu fais de la réalité virtuelle. Tu es finalement un gamer VR classique. Oulala, pas du tout. Non, pas du tout. Oulala, pas du tout, non, non. Non, toi t'es plus Mario. Moi je suis Mario, Zelda, Fortnite, Tetris, qui connaît Fortnite, toutes les danses d'ailleurs. Attention, attention, je vais parler danse. Non, mais c'est vrai que moi ça m'a. J'ai un peu. Je me sens nul d'ailleurs, mais je l'ai fait. Enfin, j'ai vraiment eu un truc de manège, quoi, la réalité virtuelle. Je l'ai fait une fois. J'ai fait ah cool. La gerbe. Non, pas la gerbe. Non, un truc de manège, genre c'est trop chouette. Ah, okay. Mais jamais eu envie de réessayer de toute ma vie, quoi. Bah moi mais parce qu'on m'a peut-être pas conseillé les bons trucs. Je sais que oui, c'est bien d'avoir un espèce de Obi-Wan Kenobi qui t'explique un peu les bons trucs. Non, c'est Adrien Méniel. C'est une rêve de geek. C'est une rêve de geek hein, que je vous propose. C'est dans Star Wars. J'adore, c'est une... Comment il s'appelle ce jeu super hot, c'est ça? Oui, c'est bien super hot. Génial, vraiment. Alors qu'est-ce que c'est super hot pour nos auditeurs qui nous écoutent? Et juste d'ailleurs, oui, c'est un jeu qui n'a d'intérêt quasi qu'en VR, j'ai l'impression, tu vois. Oui. Bah en tout cas, moi quand j'ai joué, je dis ça doit être nul. Oui. Alors c'est quoi, dites-nous? Ben, Naita Mitsuko. Alors c'est quoi? J'ai peur de. Non, oui, en gros, le principe du jeu, c'est que tu te retrouves dans des pièces où il y a des ennemis qui peuvent te tirer dessus, etc. Squid Game. C'est un peu Squid Games. Pour le moment, c'est Squid Game. C'est... Les ennemis sont en rouge. Voilà. Les ennemis sont en rouge. Enfin, c'est très. Le design est très minimaliste. Et le principe du jeu, c'est que le temps n'avance que quand toi tu bouges. quand toi te déplaces. Donc ça veut dire que tu peux tourner la tête, regarder ce qui se passe, et dès lors que tu vas faire un geste pour attraper un flingue, là les ennemis vont se déplacer. Mais c'est super auto-centré, hein. Un peu. Oh, putain. Non mais par exemple, tu vois, par exemple, il y a un ennemi comme ça. Ouais. La société entière est rhabillée pour l'intégralité de l'hiver. C'est ça. Vous le dire. Non mais il y a un ennemi qui te tire dessus et la balle est au milieu de sa trajectoire. Tu t'arrêtes. Ah, faut pas bouger. Et là, tu fais hop. Tu ouais, c'est un, deux, trois soleils. C'est Squid Games. Non mais il est vraiment très bien. Pour le coup, c'est la. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de VR, mais c'était la meilleure utilisation de la VR que j'ai testé. Moi. Un processus de recrutement qui fait débat, flirtant avec l'illégalité, se répand de plus en plus. À votre avis, lequel? Bah, sur les sites de rencontres. Alors non, non, non. Il faut c'est pas ça. Mettre la main sur une voiture et le dernier qui l'enlève a le job. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Recrutement illégal. Non, ça flirte avec. Là, ça flirte avec l'illégalité. Ce n'est pas. On engage des espions pour voir comment sont les gens dans la vraie vie. Alors, non, mais ça, ce serait horrible. T'es bizarre, mec. Ça a un rapport avec le web. Ça se passe sur le web. qui flirte avec l'illégalité. C'est comme dans la vraie vie. Enfin, c'est dans la vraie vie d'ailleurs, tu fais un. C'est dans le métaverse. Ah, c'est pas dans le métaverse. Non, c'est pas dans le métaverse. C'est vraiment un truc de recrutement. Sauf que dans le truc de recrutement, les recruteurs mettent quelque chose dans les questions. Un costume de policier. Non. Ça, ils mettent quelque chose dans les questions. Dans les questions, il y a quelque chose. Ils posent des questions personnelles sur un sujet qui oriente un petit peu leur avis. Et ils essayent de sonder ce qu'ils pensent politiquement. Non, mais on s'approche. Ah. On est dans ce genre de choses. Par exemple, s'ils votent Macron. Ouh, salut les garçons, vous venez pour moi ou quoi? Bon, allez, j'en ai marre, donc arrête de me lancer sur cette. Je l'adore à chaque fois. Je la fais avec de moins en moins dans toute la volonté. La fin, quoi, il sera là. Oui, les garçons. Salut les gars, c'est Macron. Salut, c'est Macron. Hello, c'est Macron. Il y en avait encore un petit peu d'enthousiasme. Coucou mes petits shampoings. Coucou mes petits shampoings. Bon, bah, c'est Macron. Non, est-ce que ça a un rapport avec l'orientation sexuelle? Non, non, non, non. Mais on est sur ce genre de choses. Ah, je sais, ils disent un truc raciste pour voir si la personne va dire ouais, grave. Oh, quelle horreur. Non, tu m'étonnes. S'ils disent ça. Ils les poussent pour voir s'ils sont faibles. Ils font semblant de lui mettre un coup de poing, ils mettent la main dans leurs cheveux au derrière. Eh, hey, t'as cligné des yeux, t'as bâtard. Des yeux, fragile. Est-ce que ces gens ils disent un truc illégal pour voir si les gens vont les dénoncer ou un truc comme ça? Ah non, non, non, c'est pas ils ça. Ils essayent de lui vendre de la beuh. Non. J'ai peur que la réponse soit moins bien que toutes les propositions. Ouais, aussi. Ça pourrait être le slogan du Floodcast. C'est dans leur question. Non, là vous cherchez en tout cas un truc. Attends, un peu. J'ai une question. Ouais, vas-y. Est-ce qu'ils cherchent à savoir des choses sur les gens qui viennent passer l'entretien? C'est l'objectif, c'est de connaître des choses sur eux. Oui. D'avoir des infos sur eux. Mais la question en soi n'est pas dramatique, tu peux répondre. C'est pas du tout grave de répondre à cette question. Ah. Mais le fait que ça a un impact sur le fait de le recruter est quand même hautement problématique. Ah, le signe astrologique. Très bonne réponse. Oh, t'as Adrien. Toi, bravo. T'es au moins taureau pour avoir dit un truc exactement. Pareil. J'étais sceptique à l'idée d'embaucher une scorpion lorsque l'astrologie s'immisce dans les processus de recrutement. C'est scandaleux. Hein, c'est ce que Madonna a dit à Bob Sinclair, si je ne m'abuse. Ah oui, dans la vidéo. D'ailleurs, j'ai vu Bob Sinclair aujourd'hui. Comment il va? Il avait un très long gilet. C'était avec David Guetta, je crois. Pas Bob Sinclair. Oui. Ah oui, mais moi je les confonds, j'ai un peu la même tête, non? Mais toujours dans sa bulle raciste. Mais du coup, t'as vu le confond les DJ. Maintenant, David Guetta. Non, pardon. T'as vu Bob Sinclair? Putain, mais en fait, j'ai vu les Daft Punk. Ça n'a vraiment rien à voir. Ah non, pardon, Sinclair, le chanteur. Anne Sinclair. Il connaît Anne Sinclair, il connaît pas Steve Urkel, putain. Ça l'a énervé. Ah, il y a un putain qui est sorti. C'est beaucoup plus vieux, Anne Sinclair, pour moi. Mais non, c'est la meuf de Strauss-Kahn, donc elle est revenue dans l'actu, mine de rien. L'ex, non? Oui, parce qu'après tout ce qu'il a fait. Je crois pas. Je crois pas. On check. Non. Mais... Une piste comme une autre, mais fortement déconseillée par le Code du travail, notamment depuis la circulaire DRT 93-10 du 15 mars 93, indiquant qu'il est inopportun de recourir à des méthodes aux résultats aléatoires telles que l'astrologie, la numérologie, voire la graphologie, dont la validité prédictive du point de vue de l'aptitude à l'emploi n'est nullement établie. Donc c'est fou, c'est vraiment dans le code du travail. Vous pouvez pas, normalement, c'est, vous n'avez pas le droit de faire ça. Oui, oui. Alors, en parlant de recrutement, je me permets une petite parenthèse parce qu'on a... Tu cherches quelqu'un? Non, on a reçu une demande de stage au Floodcast. Trop bien. Et du coup, je voulais lire le... Ah bah vas-y. Alors, bonjour, je me permets de vous contacter. Promis, je serai bref. car étant étudiant en école de journalisme, je recherche un stage de 2 mois non rémunéré et je serais ravi de le faire chez vous. Je ne vais pas vous baratiner avec un CV, simplement vous donner les informations essentielles me concernant. Si toutefois vous êtes intéressé, je vous en dirai plus avec plaisir. J'ai 20 ans, je suis titulaire d'un bac ES, j'ai ensuite fait une prépa Sciences Po et je suis cette année à l'ESJ Paris. C'est toi ? Je suis également comédien pour France 3 Corse. Quoi qu'il en soit, merci de votre attention et désolé pour le pavé, même si j'ai voulu t'es faire... T'es un connard. Je comprends maintenant, j'ai dit... Attends, mais je suis trop bête, j'ai dit, mais le mec a le même parcours. Et en plus, j'allais me moquer, j'allais dire, mais il est con quoi, pourquoi il envoie pas de CV, c'est la base. Mais c'est trop mignon. Mais pour le pavé, j'ai vraiment si fait j'ai ça sur un podcast. Non, non, non, non, non. C'était pour ça. On a eu un complice, mais oui. Quel connard. Non, c'est vraiment mignon, un connard ce c'est mec. Mignon. Quand j'ai dit chez vous, la phrase exacte était chez Golden Moustache. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Explique-on, explique-on. Explique-on, se prend. Tu vas bien se marrer là-haut avec Tupac. Tupac et Biggie. Tupac et Biggie. On peut changer un peu. Donc oui, Sylvain, à l'époque tu bossais à Golden Moustache. Tout t'étais rédac chef, c'est le bon mot. Du site web. Ouais, c'est ça. Responsable du buzz. Oui, c'était buzzologue. RP Buzz, bien sûr. Bien sûr. Et j'ai reçu ce DM de Maxime Biaggi bien avant qu'il explose. Oh là là. Allez, bien. Bien avant. Et je l'ai recalé, bien sûr. La star de Twitch. Et pour sa défense, c'est bien la première et dernière fois que je vais dire un truc gentil sur ce garçon. Il me déteste. Mais là, pour une fois, franchement, il avait répondu écoute, mec, je suis désolé, essaye de voir un peu. Il avait quand même pris le temps de répondre. C'était sympa. Un vieux DM, genre sur Twitter, sans, tu vois. Il avait été très gentil, il avait pris le temps de me répondre. Moi, je réponds pas toujours, par exemple. Je suis un peu mal. Je réponds toujours et j'incite même les jeunes qui nous écoutent à envoyer des messages aux gens que vous admirez. Parce que moi, quand j'étais très jeune, il y avait les blogs. Et j'écrivais aux meufs et elles me répondaient, elles me donnaient des conseils et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des trucs sur je internet. Je parle de chercher du travail. Moi, quand je reçois des messages, moi je sais pas ce que c'est le travail. Par oui, non, mais c'est voilà, mais uniquement les passions, moi. Non. Les non, parce hobbies. Que, parce que moi souvent, souvent, quand je reçois des messages et qu'on me demande des trucs de stage, ma réponse est bête, mais de dire je prends pas de stagiaire, j'ai à peine une boîte où on fait podcast, on n'a pas trop besoin je de stagiaire. Je suis en claquette. Oui, voilà, exactement. donc non, pour le moment, c'est pour ça que je réponds pas toujours parce que du coup c'est un peu. Ah oui. Mais on peut le dire. Là, voilà. On ne prend pas de. Non, on ne prend pas stagiaire. Voilà. Et mais Maxime, Sylvain, toi, tu avais répondu. Oui, ouais, et depuis, on s'insulte par DM avec Maxime. Je vois pourquoi il a développé une haine féroce envers moi. Bah, je pense que c'est cet épisode-là. Hein, de bah, oui, ça a l'air d'être très lié. Vous êtes quand même. Un peu comme Pierre Ninet et Gilles Lelouch, en fait. Ouais, c'est pareil, en moins cool. Non, mais j'allais dire que vous étiez plus comme le mec avec son instit qu'il avait humilié, là. Oui, c'est mon origin story. Tu vas finir par l'assassiner dans quelques années. Bah, je vais. On t'offre avec l'équipe et on vous tient au jus. Tu me laisses ça arrive long, ça arrive. Faut observer le ciel. Bah écoute, si t'as des petites jumelles, je pense que tu devrais lever la tête. J'en dis pas plus. Vous avez peur de la mort? Non mais maintenant, parce que moi ça m'énerve. Là j'ai vu plein de gens qui disaient en fait moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais vachement peur de la mort. Mais qui est à l'aise avec le fait de mourir? Voilà, c'est. Il y en a. Je suis désolée, ça fait peur. Ça fait peur. Moi mon papy il a hâte. Oui. Alors il va très bien et tout. Il est en très bonne santé et tout, mais genre il a 95 ans, il dit ouais mais regarde, je me fais chier et tout. Jésus m'a oublié, il a dit. Oh, ouais. Comme le titre de ma chanson, j'ai oublié. Allez, beaucoup de vues sur YouTube, il y en a pas trop. Jésus quand même. Mais sans vouloir manquer de respect, hein, mais il y en a un, c'est il est un prophète. Il est meuf. Oui, ça va. Il vit seul. Oui. Ah oui, il doit se faire IH de ouf. Il se fait chier. En Corse. Bah, il a le beau temps au moins. Oui, de temps en temps, oui. Mais par contre, faut marcher pour aller faire ses courses, j'imagine. Non, on lui livre. Oh. Ça intéresse les gens ce qu'on raconte. Non, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je crois que j'en ai parlé dans un podcast aussi. Mais moi, mon arrière-grand-père qui lui est décédé, la chance parce qu'il attendait également, il m'avait dit la même chose. Parce qu'en fait, lui en plus, il a enterré non seulement sa femme, mais son lui-même. Fils. Ah oui, bah oui. Et en fait, il y a vraiment un moment genre. Non, là je crois que c'est bon, je crois que je peux y aller. Oui. Là ça commence à devenir un peu plus tard. Il s'est enterré lui-même, très fort. Il s'est mis dans on un a pas mis un centime. On n'a pas mis un centime pour ce moment. Mais non, mais oui, effectivement, il y avait un truc. Et lui, il avait en plus, il avait fait un AVC ou une crise cardiaque. Oh, un des deux. Dans le chat, vous pensez qu'il a fait quoi, l'arrière-grand-père hein. Moi, je dis AVC. Écoutez, j'appelle mon père et je lui demande. Non, mais en gros, il s'est réveillé. Enfin, voilà, ça ne m'a pas coûté la vie. Et vraiment, vous savez, il y avait un peu un truc de. Oh putain. La galère, la saison de trop. Et la tuile. Alors, ouais, mais c'est marrant parce que. Tout l'indique, hein. Mais enfin, je buter, je vais le buter, je vais le buter. Elle n'a jamais fait ça. Et c'est à chaque fois que je vais faire une blague en plus. Bah voyons. Elle me gâche toutes mes blagues. Non mais la phrase, elle a jamais fait ça, c'est comme quand il y a les gosses trop chiants qui arrivent chez toi. Normalement il est gentil, je suis pas sur le canapé, je sais pas ce qu'il lui a pris. Donnez-moi le fusil là. En tout cas, plus on vieillit, plus ça se corse. Oh, oh joli. Je l'ai. Ça n'est pas que ton chien est atroce. Si je peux me permettre. Le caractère ignoble de ton chien. Mais tu sais que moi pas... j'ai de la corse dans le son également, Maxime. Peu de gens le savent, j'en parle assez peu. T'as mais... surtout de la corne aux pieds. Également. Par rapport au Panari qui pue. Il ne pue pas, mais. Panari Roselbach. Pourquoi quel endroit, quel moment? Alors, putain, je sais jamais aller. En fait, je n'y suis hélas jamais allé. Panambeachi. Panambeachi. Cero Giorreno. C'est super raciste. C'est depuis cette bulle. Ok, c'est ça. C'est parti en couille cette émission. Ouais, non, mais en gros, du côté de ma mère, la famille, c'est Senati. Ok. Voilà, et donc. C'est Sioti. Et je crée la ville, et en fait, la ville, elle est longue, la ville d'où vient ma mère, et c'est Santa di Parata de quelque chose. Santa Reparata. Et, okay. Voilà, et donc, elle vient de cet endroit-là. Ok. Mais je n'y suis jamais allé, et j'aimerais beaucoup aller en Corse un jour. Ben, paraît-il. De quoi, la Corse de manière générale ou oui, tout. Des cyclistes en colère. Quoi? Eh oui, ont organisé un concours. À votre avis, lequel? Un concours un peu marrant, un peu gaulerie. Un concours de celui qui cassera le plus de rétro. Oh non, ça ce serait vraiment pas sympa. Un concours de qui grille le moins de feux rouges. Tout le monde a perdu. Oh, là, là. Je suis parisien maintenant. Hidalgo, tu nous emmerdes. Un Hidalgo plutôt. Non, j'arrête. Allez, non, mais tu peux y aller. Ici, tu peux y aller. Ici, tu peux y aller. Elle fait vraiment 2%. Nul. Non, mais voilà, bim. Hidalgo, là. Donc des cyclistes. Le concours de celui qui est le plus mal habillé, parce que souvent ils sont mal habillés. Non. Celui non. qui roulera le plus longtemps sans avoir un accident. Non, non. Celui qui est le moins dopé. Oh, ça dénonce. Non, mais le chien me mord. Est-ce que c'est cycliste. Pour dénoncer les mauvaises conditions des cyclistes en ville? Un peu. Là, ouais. Tu m'étonnes. Bah ouais. Alors. Celui qui prendra le plus de photos de gens garés sur la piste cyclable. Très bonne réponse, Adrien Méniel. Non, en fait, c'est pas exactement sur les bandes cyclables, mais ça s'appelle le concours garé comme une merde. Et c'est oui, des c'est cyclistes. Ceux qui mettent les stickers. Là. C'est des cyclistes qui. Ah ouais, c'est des stickers. Je sais pas, y a pas. Non. Ouais, y avait eu un truc sur Combini là, le mec qui mettait des autocollants. Je suis garé comme une merde. Ouais. Ah ouais. Et je crois qu'ils s'enlèvent très mal en plus, c'est genre. Ah, je crois. Ouais. Et y a du vert dedans. Ah putain, j'ai pas vu. Ça c'est les affiches de Zemmour, ça. Ah oui. Ah, oui vrai, j'ai putain. Mes petites refs. À Lyon, l'association La Ville en Vélo promeut l'usage du vélo, a lancé un concours du genre un peu particulier. Le principe, prendre une photo ou une vidéo d'un véhicule mal garé, le publier sur Twitter avec le hashtag. GCUM, garé comme une merde. C'est vraiment de la délation. C'est juste. Premièrement, et les gens le font déjà. Oui. Et faut pas confondre délation et dénonciation. Oui. Le Castex. le concours victime son succès dépasse le simple cadre lyonnais puisque les contributions émanent désormais de toute la France. Sur Twitter, les publications sont déjà nombreuses. Vous, il y a du vélo, il y a du vélo cycliste autour de la table. Bah, toi, j'ai du vélo bécane. T'as une vélo bécane. J'ai un vélo bécane. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un vélo bécane pour c'est les gens? C'est à toi ça. Ouais, c'est à moi. Mais c'est le fameux vélo. On en avait parlé dans le podcast où t'avais poireauté comme une merde avec moi. J'avais attendu 2 ans et demi pour l'acheter. Bon, c'est un vélo électrique quoi, voilà. Mais avec des sacrés roues. Quand même. Énorme. Il est énorme. Regrette un peu. C'est quoi l'intérêt d'un vélo s'il fait la taille? Maxime. Mais je le dis, ta gueule, si c'est la gueule d'un con. Et allez, de allez, allez dégage. Winter is coming, je suis rabié pour l'hiver. Allez. Non mais le nom est vraiment pas ouf, on est la marque, la marque Vélo Bécane est pas ouf. C'est le truc qui me plaît le plus dans cet engin. Le titre. Le chien me tue. Et en plus tu te dis ah oui mais c'est pas ça doit être la marque Moto Bécane. C'est deux marques différentes, ils ont juste. Mais personne n'a dit ça parce qu'on ne connaît pas la marque Moto Bécane. Oui, mais tu connais rien, tu connais Anne Sinclair, c'est tout, ça n'a aucun sens putain. À part Fortnite et Anne Sinclair, tu connais rien. Très content que t'aies pas eu ton stage. Attends, donc est-ce que c'est la vraie marque ou c'est toi c'est qui as mis ça? La vraie marque. Non, bah non, j'aurais choisi une typo. Déjà, oui, j'aurais, mis non, mais moi j'aurais... j'aurais mis déjà un accent sur le E de vélo parce que ça me rend dingue. Et sur le E de bécane, non? Et de bécane, ah, ouais, oui, bien ouais, sûr. Un double aigu. Et non, c'est la vraie marque. Mais, J'aurais aimé que ça vienne de toi. Voilà. Bah non, c'est ignoble. Il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Il y a deux typos différents. Trois sur typos différents. Oui. Mais t'as cédé au vélo parce que toi, t'avais un scoot à une époque. Je l'ai toujours, mais je là. Peux vous dire la seule fois où j'ai été surpris, genre où je me suis senti un peu plus ouvert qu'Adrien, parce qu'Adrien est quelqu'un de beaucoup plus. Non, mais Adrien est un peu mon maître Jedi sur les voies de l'autre en fait. Il est beaucoup plus tourné vers l'autre, beaucoup plus à l'écoute de l'autre et que moi. Et ça peut surprendre beaucoup de gens. Ça, je cherche la vanne depuis tout à l'heure. Non, c'est vrai. C'est quelque chose que je pense vraiment sous cette petite couche, un peu noire malheureusement, mais dessous il y a un cœur énorme qui est tourné vers les autres. Mais une fois il m'a dit. Quand je prends mon scoot et qu'il y a des bouchons, je prends la piste cyclable parfois avec ça mon scoot. Ça arrive, ouais. Wow. Et ça, ouais, mais ça, mais alors, ça m'a détruit les gens. Non, mais pas. Vache. Non, mais je suis. C'est son côté un peu Belmondo. S'il n'y a pas de vélo. Attention, s'il n'y a pas de vélo. S'il n'y a pas de vélo, c'est juste pour hop là, contourner. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il y a un camion qui Non, non, non, regarde les gens, regarde les gens. Ah non, non. Il y a un public en plus. Donc vous, par exemple, vous traversez que au passage piéton, par exemple. Oui. C'est oui, la oui, même oui. chose. Bah, putain, et vous toi, mentez. Quand il n'y a pas de poubelle, tu mets tes détritus par terre, j'imagine. Oh non, mais il y a toujours des poubelles. Il y a toujours des poubelles à Paris, par contre. Au gouvernement, il y en a beaucoup. Oh des ordures, tu veux dire. Ouais, ça marche bien quand. Il a fait la même vanne en mieux, je suis dégoûté. Ouais, il l'a amélioré. Ah, c'est un travail d'équipe. Non mais c'est comme quand t'es en trottinette, hop, tu fais un petit détour par le trottoir. Mais non, mais justement. Bien sûr que tout. Bah arrêtez. T'as jamais pris un taxi à Paris? C'est leur seul sujet de conversation. Ouais, non mais les trottinettes, trottoir route. Non mais ça va là. C'est Macron qui me conduisait mon taxi. Oui. Et oh là, oh mollo. Il y a des pays où c'est la guerre en fait. Oh là là, celle-là. Elle remet tout l'ensemble. Elle nous a bien remis. Allez. Notre nez dans notre caca. Ouais, j'allais dire remis à notre place. Ah, ouais. Oh, non, putain, en parlant de caca. Il y a ton chien qui pue la merde. Mais non, mais c'est terrible parce qu'elle est obsédée par quelque chose. Mais parce qu'il y a des gens qui passent, je pense. Ouais, il y a des gens qui m'étonnent. Après, bon, si elle aboie dès que quelqu'un fait un pas, elle est très mal éduquée. Francky ferait ça, c'est une question que je me pose. Peut-être. Ah merde, oh là là. Non, je sais pas. C'est un hologramme. C'est une NFT. C'est depuis un NFT. Francky dans le métaverse. C'est un ou une NFT? Une NFT d'ailleurs. Une, non? Bah on s'en fout puisque c'est anglais donc on dit ce qu'on veut. Plus, non mais pardon, c'est un Game Boy ou une Game Boy, bah on s'en fout. Qu'il y a des wallets autour de la table. J'ai Wallen, la chanteuse. Moi j'ai Wally le robot. Moi j'ai Whatty by Night, mais c'est vraiment ça n'a plus rien à voir. Moi j'ai Woody Wallen, mais je l'ai cancel donc je l'ai plus. Moi j'ai mauvaise Wallen. C'est parti. Moi j'ai un wallet donc ça me fait pas rire. Et donc moi je suis riche. Et donc, est-ce que ça prend du vélo autour de la table? Non. Non. De la trotte? Non, rien. Alors, moi, tous les moyens de locomotion. Sylvain, de la trotte. J'avais une trottinette. Ah, que tu avais acheté. Louis. En fait, le problème, c'est que je confie toujours des trucs illégaux dans cette émission. Ah merde. Non mais. En fait, il y avait peut-être une méthode pour bidouiller. J'ai tué une vieille et je lui ai pris sa trottinette. C'est quoi un couteau dans une vie? Vous avez vu mon congèle? Non, mais en fait, tu pouvais. Non, mais je peux pas dire ça. Mais non, mais on coupe, t'inquiète. Bref, et non, et c'est. Je me suis déjà explosé la gueule avec grâce à un tout petit rebord. Comme Carlito. Mais c'est le karma, mon pote! Et c'est le karma! C'est le karma! Ouais, ouais, c'est ça le karma! Puisque j'ai acquis cette trottinette légalement. Carmito, bien sûr. Et je me suis fait mal. Catherine Carlito. Pas comme Carlito, arrêtez! Non, mais pas autant que Carlito. Et ouais. Non mais je me suis gaufré et en vrai j'ai arrêté parce que c'est hyper dangereux effectivement. Ah oui, tu t'es vraiment fait mais genre pas tout ça mais tu vois ça fait peur quand même tu vois et juste je trouve ça dangereux, j'ai peur pour ma vie quand je suis sur une trottinette. Ça y est, mais genre, n'en fais surtout pas trop hein, surtout. De quoi tu as entendu? Il a dit n'en fais surtout pas trop. C'est rap contender ici ou quoi? Bah on est content en tout cas. Non mais voilà. Moi, j'ai regardé pour acheter un sac pour chien. Puis après, il va évidemment sauter du sac très voilà, vite. Et je me suis souvenu que j'étais une énorme brêle en tout ce qui était conduite, donc j'ai arrêté. Attends, pour faire du vélo avec? Ouais. Mais tu fais du vélo donc? Bah j'en ai fait pendant un an et me faisais tout le temps klaxonner parce que j'étais trop lente et ça me saoulait. Ouais mais ça il faut accélérer quoi. Ouais. Non, faut que les automobilistes arrêtent de se prendre pour les rois. Oh là là, Hidalgo. Une Hollandaise s'est retrouvée à 200 km de chez elle alors qu'elle pensait être dans sa maison. À votre avis, que s'est-il passé? Somnambule. Non, non, pas c'est pas mal. Thomas Pesquet, l'anecdote là. Bourré? Ouais, hein? Thomas Pesquet, l'anecdote là. C'est quoi l'anecdote? Bah, il dit qu'il s'est réveillé de l'autre côté de la station spatiale et tout. Là. Ah, c'est dans la vidéo de Macaito, pardon. Bien sûr. Excuse-moi, je l'ai pas vu encore. Je n'ai rien compris à cet échange. La dernière vidéo de McFly et Carlito, c'est un concours d'anecdotes avec Thomas Pesquet. Ah, okay. Je suis même pas au courant. Qui a l'air d'être vraiment, c'est louche d'être aussi parfait. Voilà. Parce que... c'est comme Samuel Etienne. Ce sont des gens qui cachent des choses. Oui, mais lui, il a reçu, enfin lui, il a fait des blagues sexistes et tout, donc tu te dis, il a quand même des failles. Ah ouais. Thomas Pesquet, il est genre. J'ai l'impression qu'on vient de cancel Maxime Biaggi. Ok, je sais pas. Je ne savais pas. Non, mais Thomas Pesquet, c'est genre, tu te dis, oh, il est parfait, ce mec, il est brillant, il est intelligent, il est plutôt beau gosse. En plus, il est marrant, quoi. Fan de Kaamelott. Faudrait qu'on vérifie son projet. Ça dépend tes critères de la perfection. Oui, si tu exècres l'astronomie, par exemple, effectivement, il est pas parfait. Quoi. C'est faire beaucoup de choses. Mais par exemple, physiquement, moi, je le trouve pas parfait, tu vois. Non, je mais d'accord. Trop non, mais c'est propre, pour il sent trop la savonnette. Oui, bah ça, on voit que t'aimes pas les trucs propres. Mais pour que les barres immondes. Mais franchement. Une serpillière qui est restée à moisir, là. C'est vrai. Si vous essorez ce chien, de la pisse ruisselle sur le sol. Vous savez pourquoi elle a aboyé trois fois? C'est parce qu'Adrien lui a mis des coups de pied sous la table. Voilà. Il déteste les animaux. D'ailleurs, il mange des ailes de poulet à ce moment même. Non, mais en plus, il est drôle, voilà. Thomas Pesquet, il est marrant, il serait comme un poisson dans l'eau dans le Floodcast. Invitez-le. On essaie de le draguer, mais il m'a mis un énorme vent sur Twitter. C'est vrai. J'ai supprimé mon compte depuis. Hein non, parce que on va le raconter à chaque mission. Mais oui. Depuis la Station Spatiale Internationale, il a tweeté un gif de ma gueule. Thomas Pesquet, en réponse à je sais plus quel. T'as le droit de le dire à chaque émission. Ouais, bah c'est un peu ma plus grande, malheureusement ma plus grande réussite dans ma vie. Non, mais c'était celle de 2021. Oui, ah bah là, oui, 2021. Oui. C'était une bonne année de merde quand même. Je trouve. Les garçons. Non, et donc. Et il fait du sax, et nous qui en envoyons régulièrement. Et en plus, du coup, je me disais, non, mais qu'est-ce qu'il viendrait faire dans le Floodcast? C'est pas un délireur. Et bah, c'est un délireur. Il est marrant dans la vidéo de McFly. Là, c'est sûr, ça a l'air d'être un délireur. Donc non, la Hollandaise n'était pas dans une station internationale. Si vous connaissez Pesquet, dites-lui de venir. Elle a fait un prout qui l'a propulsé très loin de chez elle. Ça m'a l'air très peu probable. Écoute, à ma grande surprise, non, c'est pas elle ça. Elle s'est endormie dans un train. Non. À 200 mètres de chez elle. À 200 km. Ah, kilomètres. Ouais. Ah, c'est sa voiture qui a conduit toute seule. Non, c'est une Tesla. Je sais pas, moi. Non, mais je te le dis. Tesla. Elle était bourrée, on a dit déjà. Elle était pas ivre morte. Non. T'as compris ou quoi? Ouais, j'ai fait geler les casseroles et tout. C'est ça. Non, oui. Oui. 200 km dans le même pays ou pas du coup? Je vais regarder ça. En non, mais s'il n'y a pas de. Elle s'est endormie sur une trottinette. Oh non. Oh, elle a fait du paddle. Non, elle a pas fait de paddle. Non, c'est vraiment. Elle était en bagnole. Je peux vous le dire, elle était en voiture. Attends, elle s'est réveillée à 200 km de chez elle. Elle s'est retrouvée à 200 km de chez elle. C'est le GPS qui est devenu foufou. Alors, pas vraiment. Était dans le coffre. Elle a, pardon, vas-y. Non, je dis, elle était dans le coffre, mais c'est pas positif. Elle s'est fait enlever. C'est un peu. En même temps, il y a eu 2-3 histoires de. Ouais. En fait, elle s'est fait enlever par son ex. Trauma. Les hommes qui sont horribes. Trauma plutôt. Oh. Je me régale. Il y avait plus de station essence. Elle a dû aller de station en station pour trouver la station ouverte et. C'est le métro ou quoi? La station spatiale. Alors, c'est le Thomas Pesquet. En vrai, Adrien a dit la bonne réponse avant que tu donnes la tienne. Malheureusement, Maxime, je suis désolé, mais c'était le GPS. Alors, l'erreur et tout ça, elle a fait une faute d'orthographe. Ah, elle a mis la mauvaise rue et. Non, juste elle a oublié un S, un truc dans sa rue et donc elle s'est retrouvée. Donc une fois. Dans une autre rue. Comment? Du coup, ce que j'ai dit quoi, du coup, elle a fait une faute. 200 bandes de chez elle juste parce qu'elle a oublié une lettre. Attends, mais elle s'en est pas rendu compte. Non, elle s'est dit non. Que c'est pas le même trajet. C'est un peu long là. Elle l'a fait juste pour pouvoir le dire dans un article. Ça fait beaucoup là, non? C'est la phrase un peu marrante, qu'elle dit puisqu'au lieu des 7-8 km prévus, la malheureuse a parcouru plus de 200 km. Mais attends, c'est dans quoi que j'ai vu ça? Est-ce que c'est dans un Floodcast ou ailleurs? Ou c'est arrivé à une équipe de foot? C'était dans le Floodcast. On en avait parlé dans un Floodcast. Le bus s'était planté de nom de ville. Carrément. De ville. Il avait mis la mauvaise ville. Mais c'était ils sont arrivés pour faire le match. Ils ont fait c'est pas la bonne ville. On n'est pas du tout. Et c'était pire car le coup, les footballeurs ont été disqualifiés. Bah oui, ils ne sont pas arrivés. Ils ont dû déclarer forfait. C'était pour la Coupe de France en plus, je crois. Genre, c'était le Brésil, Coupe du Monde. C'est comme ça qu'on a gagné. Enfin, c'est ce que j'ai compris de l'anecdote. Steve Wilhite est décédé, tristesse infinie. Mais qui était-il? Il y a un thème là. Il y a souvent des morts. Écoutez, on est devenu hebdo. Il faut qu'on fasse confiance. Je commence à gratter un petit peu sur les trucs. Vous savez qui était Steve Wilhite? C'est un monsieur, on connaît sa voix. On ne connaît pas sa son voix. Son cri, le cri de Wilhite. Non. Ça, c'est pour les cinéphiles. C'est pour les geeks. Salut les garçons. Il a inventé un truc utile, c'est selon. Il y a longtemps. Il y a quelques années. Excuse-moi. Quelques années. Il est mort. Il est mort. Et là, il y a cette semaine. Mais bon, et la question c'est qui il est, tout simplement. Et ça m'a un rapport avec son identité ou pas du tout? Pas du tout. Ah, je sais, je vais me taire du coup. Ah, bah, il a. Non, mais il a inventé un truc, c'est ça? Il a inventé un truc. Il a inventé le smiley. Et le fait que je le sache donne un petit indice. Car je suis un petit geek. Le petit geek. Sylvain, petit geek. Comment il s'appelle? Steve Wilhite. Facile. Qui est mort à 74 ans. Facile. Hélas, complication du Covid. Wilhite. Il a inventé la police Windings. Il faut poser plein de questions. Mais alors voilà, tu t'approches. On est dans le milieu du computer. J'ai dit le smiley, c'est pas ça? Non, mais on est dans le milieu du computer. C'était fini, moi, j'allais partir et tout. Bonne soirée. Hein. Donc un truc de l'univers geek. Un peu. Mais un logiciel. Non, pas un logiciel. Non, mais on est dans le computer. On est dans. Voilà. Est-ce que c'est. La touche entrée? Non. Le cochon qui danse. Est-ce que c'est une pratique? Non. Bah comment ça une pratique? Genre par exemple le smiley c'est une invention, c'est-à-dire que il a pas inventé un objet, la personne qui a inventé le smiley, il a dit hey, je fais un point virgule. Non, il a fait un point virgule et un truc. Enfin, non, là on est sur il a codé quelque chose. Il a codé quelque chose. Voilà. Donc c'est pas un logiciel tu dis? Non, c'est pas un logiciel. Le web. Le site Pôle emploi. Non, mais tu me coupes aussi. Le cochon dansant. Je trouve que c'est bien. Est-ce que c'est un mème? Ce n'est pas un mème. Mais ça peut représenter des mèmes. Voilà. Ah, le gif? Tout bonnement, le gif animé. Il est fort. Eh oui! C'est grâce à lui qu'on a pu te voir depuis l'espace. Putain, c'est vrai! C'est et toi, pas même pas, tu lui rends hommage. Pesquet, viens dans le floodcast! À une époque où il était quasi impossible de diffuser des vidéos en ligne, il avait rendu le gif très populaire. Le nom est passé dans le langage commun dans les années 90 pour désigner de courtes animations. Des millions de gifs animés, détournements, parodies et petits clips mythiques sont toujours très utilisés en ligne. Eh, vous dites gif ou gif? Non, mais je sais pas. Et bah alors justement, Wilhite avait apporté sa réponse à un débat vieux de 25 ans concernant la prononciation du format qu'il a inventé. Dit gif, je crois, non? Il a donné un truc qui a beaucoup aidé les gens puisqu'il a dit j'accepte les deux. Connard. Il a fait chier. Il a raison. Il m'en fout. Mais il a raison, on s'en branle. Voilà, tout simplement. Il accepte les deux, mais il se trompe. Non, c'est ça qu'il disait. Il dit j'accepte les deux, mais il y a une vraie façon de le dire. Et il a pas dit. Ça c'est gilif. C'est le titre de l'épisode. Gilif. Non, pour lui c'est gif. Bah c'est ce que c'est j'ai ça, dit. Ouais, c'est dit. Oui, parce qu'il y en a qui disent qui a gif, les magasins Jiffy. Également. Des idées mais ça de gif. Génie. C'est lui qui a eu l'idée de mettre Jérôme Anthony dans les pubs de Jiffy. Bah oui, Jérôme Anthony, vous vous souvenez pas? Il était dans Zapping Zone. Je sais même pas qui c'est d'ailleurs. C'est un animateur qui était dans Zapping Zone sur Disney Channel. Et après, il était incroyable talent. Il a fini sur rechercher des trésors dans les maisons. C'est un pirate, le mec. Il l'a trouvé ou pas? Bah, il fait des pubs Jiffy. Il fait des pubs pour Jiffy. Mais oui, il avait trouvé des trésors. Tu veux pas qu'on l'invite dans le floodcast? Non, on peut. On vise plus Pesquet, j'avoue. On va avoir les deux. Floodcast ou floodcast? Floodcast. On dit floodcast. Ah, tu te trompes alors. Ouais. Merci. Parce que là, on a un ami de Jean-Luc Reichmann. Oui. Et un ami de Thierry Beccaro. Enfin, c'est-à-dire qu'on a les amis des animateurs. On parlait de Jérôme Anthony. T'as pas d'amis animateurs télé? Thierry Beccaro? Bah, si, la nouvelle star. La nouvelle star. C'est pas Nikos, genre? C'est Cyril Hanouna, ok. Il a pas été mon ami. C'était Hanouna? Ah ouais, sur C8. C'était. Bah, donc, t'es ami de Hanouna, au même titre qu'ils sont. Désolé. Vu comment il me donne des nouvelles, on n'est pas hyper proches. Hein. Ah ouais, je lui en donne aussi, parce que c'est dans les deux sens l'amitié, Pauline. Excuse-moi de te le dire. Allô le monde, Pauline, pas moi de te le dire. Oh, oui. Joli. Il est fort. Bien envoyé. Belle expérience. Il est très actif sur Insta. De quoi? Belle expérience. Bah, t'écoutes ce qu'on dit. T'es là ou? Les 12 coups de midi. Ah non, les 12 coups de midi, c'était à chier. J'ai pas dormi pendant des années. Parce qu'en fait, moi j'avais 18 ans, je venais d'arriver. T'avais quitté ta province d'ailleurs. J'ai la ref, même si là pour le coup c'est. Mais bon, après Mozart c'est vieux et tu arrête de faire. Non, mais en fait, pour le remettre un peu. pour lui remettre un peu en tête, il faudrait qu'il entende la voix d'Aznavour. Ça va le grand Charles? Oui. Vous voulez que je mette un peu de papier d'Arménie? Oui, c'est un peu raciste. Pourquoi c'est pas Pauline qui l'a dit? Mais non, ça vient comme Yams. Génération, non. Arrêtez. Ma carrière va être déjà annulée avant même d'avoir commencé. Et donc, Maxime, tu es venu au Grand Paris? Oui. Très, très traumatisant parce qu'en fait, je sais pas si tu vois comment ça se passe. Vous voyez un peu, quand tu gagnais des défis, t'avais les sous qui arrivaient dans ta cagnotte. Et donc, moi, j'étais arrivé en grande finale où j'avais tous les sous dans ma cagnotte et tout. Bitcoin. Et il suffisait que je réponde bien. Tous les bien sous, c'est quoi? C'est genre 20 000 balles? C'était 30 000 euros, mais je crois qu'après, ils divisent avec un spectateur. En gros, c'était plus de 10 000 euros au final pour mais moi. Mais ça, c'est vrai. Ils disent des sommes et en fait, tu le divises avec un spectateur. Ouais, au moins par dans les jeux, c'était pareil. Genre, t'as gagné un peigne et en fait, tu pétais un peigne en deux pour le donner à un spectateur. C'est le meilleur exemple. C'était un exemple en tête. Pardon. Et donc le maître de midi était là depuis super longtemps et tout. Et par un hasard fou, j'arrive à trouver les réponses qui étaient plus ou moins simples en fait. Et lui avait plus du tout de temps. Donc il me restait une question. Si je répondais juste à une question, j'avais genre 30 secondes pour le faire, je gagnais quoi. Et genre il me disait quel organe est mis en cause lors d'une insuffisance cardiaque. Donc bon, jusqu'à là c'est facile. Excuse-moi, c'est le film Slumdog Millionnaire que tu racontes. Ouais, j'avoue, j'ai inventé. Voilà, les gars. Non, attends, on l'a vu en fait. Et là j'ai appelé mon père, j'ai dit papa, t'es millionnaire. J'ai confondu. Non mais c'est ça. Non, mais moi dans ma tête, j'étais tellement conditionné de mec, si tu réponds bien, t'as gagné, que j'ai pas attendu la fin, j'ai dit insuffisance, j'ai pensé pulmonaire. Je sais pas pourquoi. J'ai dit les poumons. Et là, les 30 secondes d'après, j'ai bégayé. Je n'ai rien dit. Donc le gars a gagné comme ça, et donc je suis reparti chez moi, j'avais 18 ans, genre je pourrais plus gagner 10 000 balles. Horrible, horrible. Tu as choqué. Ouais, c'est un mais j'ai choqué. C'est un terme de choqué. T'aurais acheté quoi, une PSP? J'aurais acheté des bitcoins sur mon wallet. Et des pizzas. Mais... les geekos. Non, mais c'est le destin. Hein. Mais est-ce que c'est... Donc oui, tu venais de quitter la... Tu venais de quitter la Corse pour arriver à Paris? Pas du tout, non. J'étais vraiment monté sur Paris pour faire l'émission. Ah oui, d'accord. Je suis rentré bredouille avec un massage thalasso. Sympa. Oui, oui. Sympa que t'as partagé avec un spectateur aussi. Alors, pour l'anecdote, tu te dis, bon, il a gagné un thalasso, machin et tout. T'appelles le lieu, ils disent, ah oui, mais en fait, on avait donné ça, mais on se rappelait même plus qu'on avait donné ça. Ah ouais. Il y avait même plus de place et tout. Ça, c'est ça une galère. Eh, dis donc, Hachman, si tu nous écoutes, là. Toi, Sylvain, tu avais fait Motus. Tout à fait, j'ai fait Motus deux fois. On a fait trois émissions en tout. La première, on a fait deux émissions puisqu'on a gagné la première. Oh là là. Et je suis reparti essentiellement avec une Soda Stream et un bon pour des lunettes de soleil que j'ai jamais utilisé. Soda Stream, c'est pas mal, ça va. Oui. Elle est dédicacée par Thierry Beccaro. Oh, t'as fait dédicacer la Soda Stream. Oui. Ah, et il savait pas trop ce que c'était, du coup, il a écrit des boules et puis des bulles. Oh, pas mal. Ah, si, si, c'est ça un bon résumé. Ah, non. Attends, en fait, non, on a des bits, des bits, des bits. Non, en fait, c'était hyper pertinent. Oui, du coup, avec mon pote Andou, on avait deux, enfin une Soda Stream chacun, et il l'a écrit en deuxième. Pas besoin de la partager avec un spectateur. Et là, moi, il l'a mis dans, je sais plus, dans le jus jusqu'au cou, ou un truc comme ça. Il croyait que ça faisait des jus, pas des bulles. Ah, oui, et on l'a expliqué après, et après, il a fait cette belle punchline. Ah oui, d'accord. J'ai la punchline nulle, moi. Ah, bah, c'est mieux, je trouve. Oui, mais n'empêche, il a fait ta connaissance, peu de temps après, il était streamer, le mec. Comme par hasard. C'est comme par hasard. Donc comme Maxime, tu vois, tu lui refuses un stage et direct, bim, hop. Twitch. Oui. Street. Fortnite. Coup, on a Fortnite. Tous les trois participé à des PUBG. Jeux télévisés, on a tous les trois perdu. Oui, c'est ça. Il en a gagné une. Oui, mais pas d'argent. Enfin, j'ai gagné. Oui. En fait, c'est la deuxième partie de l'émission où il faut enchaîner 10 mots et on en a fait 8, je crois. Oui, cela dit, la nouvelle star, tu n'as pas gagné, un massage ou un. C'est juste, tu as perdu. T'as rien gagné. Très bizarre ta question. Non, mais il n'y a pas de lot de consolation pour la nouvelle star, ça je veux dire. Non, mais. J'ai gagné de l'expérience une belle vision sur la vie. C'est une vrai projection dans l'âge adulte un petit peu abrupte. Et surtout, je suis tombée amoureuse pour la première fois là-bas. Et donc, ouais, de Maxence. Non, pas de Maxence. Et du mec qui a gagné. C'était qui? Steve Estatoff. Une sombre merde. Non, c'est pas vrai, on s'entend très bien. Il s'appelle Mathieu Saïkali. Il continue à faire des choses. Jonathan Serrada, c'est le nom par contre. Non, ça c'est un jambon. Non, c'était le premier vainqueur de la nouvelle star. C'était sûr que c'est pas. Ah oui, t'as raison. Si, c'était Jonathan Serrada. Et Steve Estatoff, c'était la saison 4, je crois. Ouais, c'était. Estatoff, il avait gagné. C'était le rocker. Il a rien fait depuis. Juste avant Julien Doré. C'est les deux qui ont une petite carrière. Enfin, avec Félicien, la Concoumania, pour ceux qui s'en rappellent. Oh, ça, c'était Love Story 2. Love Story 2. Attention, ça n'a rien à voir. Non, mais mélangeons pas les torchons et les serviettes. Jean-Pascal, l'agitateur. Ah si, et autre concept sur Motus, à chaque fois que tu passais, il t'offrait un kit de 3 dictionnaires. Un petit, un moyen, un gigantesque. Relou. Et donc, comme on a fait deux émissions, on est parti avec 2x3 dictionnaires. Oh la vache. Donc, on est parti avec 12 dictionnaires. Déjà, je les ai tous laissés chez Golden. Très bien. Des questions que les auditeurs vous ont posées. Oh. Sylvain, oui. À quand le retour de Congélib? Est-ce que tu peux expliquer? C'était un piètre projet. En fait, on cherchait. Qu'est-ce qu'était Congélib? Alors, je vous explique. Mais il faut que je vous donne le contexte. Bah, je t'en conjure. Alors en fait, j'avais fait une sorte de petite techno avec un plateau 3D sur Twitch qui était très sympa, fait sur Unreal Engine, un truc où on s'est bien amusé. Enfin, je me suis bien amusé à le faire pendant des heures pour l'utiliser 3 fois. C'est le principe de Twitch. Hein, oui, c'est le principe de tout, pas mal de projets. Et du coup, on se retrouve. Je peux inviter des gens sur ce plateau. J'y vais avec Damien Mescudi, un copain. Et puis là, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant qu'on a un plateau qui est joli et on sait pas quoi en foutre. Enfin, c'est bien de faire un truc technologiquement cool, mais où quand t'as rien à faire, bah, tu te fais vite chier, t'as vite l'air d'un con. Et du coup, on s'est dit, avec les gens du chat, il faudrait qu'on voulait faire une sorte de marque qui n'existe pas, mais dont on alimente les réseaux sociaux. Et comme s'il existait, on cherchait un concept éclaté et on avait trouvé Congélib, qui était une sorte de service comme Autolib, mais de congélateur en libre service dans les villes. Et on voulait faire la promotion de ce truc avec une DA et tout. Puis quand je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop de taf pour une connerie, j'ai fait bah venez, on le fait pas. Là, je fais mon vrai métier qui me rapporte des sous, peut-être. Oui, c'est mieux. Du coup, je fais des vidéos. Enfin, j'en fais pas beaucoup, mais j'en fais un peu. Mais oui, voilà, alors tu viens d'en sortir. Grande qualité. Donc, d'ailleurs, merci, je peux te demander ton signe astrologique. Mais tu peux le deviner. Bah, moi je dirais ou poisson ou taureau, mais. Tu as tout faux. Mais oui, comme à chaque fois que les gens étaient déguisés. Non. Vraiment, moi, à chaque fois. Mais c'est évident que tu es taureau, arrête de. Bah, tu sais, tu me l'as demandé. Oui, mais c'est ce à quoi je pensais. Oui, moi, okay. Je suis quoi alors? Vous êtes grotesque, voilà. Mais avant tout, une âme. Oui, c'est vrai. Mais du coup. C'est calmé. Je lâche que je n'ai pas fait de live Twitch depuis longtemps. Je vais essayer de m'y remettre et de trouver une utilité à ces plateaux 3D et peut-être un petit concept d'émission avec un invité notamment. Oh. Et une sorte de petit jeu télé, mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Ah, trop bien. T'as inventé le métaverse pour moi. Voilà. Merci. En vrai, pour le coup, c'était vraiment très très beau ce qu'il avait fait. Je sais pas si les gens. Je sais pas si on peut encore le voir, mais il doit y avoir un clip qui traîne sur Twitch. Ah, mais ouais, ça fait deux fois qu'il me fait des compliments ce soir. Oui, c'est deux fois. Toi, t'es odieux. Je ne veux pas qu'il soit en stage chez moi. Ah, non, et merci d'ailleurs, merci d'avoir croisé. Sinon, on l'aurait croisé, Adrien. Franchement, il aurait été là. C'est Sciences Po, j'ai fait ça. On en a vu d'autres. Sciences Po, putain. J'aurais joué à Fortnite en pleine open space. Oh non, mais imagine. Eh, Maxime, les cafés, non, je joue à Fortnite. Non, mais imagine. Dans ce qu'il aurait fait. Mais je te remercie, ça fait plaisir. Et donc, oui, parce que tu as fait par contre une vidéo sur YouTube récemment. Oui, il y a aujourd'hui. Hier, si vous l'écoutez le premier jour. Oui, une vidéo sur le CPF. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Sans trop nous spoiler le contenu de la vidéo, mais nous je peux te raconter le script de 35 minutes. Non, le compte personnel de formation que vous connaissez peut-être sûrement par les appels et les SMS incessants qu'on a reçus pour vous faire dépenser ça. Ah, on m'en a parlé aujourd'hui, mais j'ai pas vécu personnellement. Eh ben, tu peux regarder la vidéo. Mais là, on parle. Mais là, on parle. Je vais regarder ce soir. Là, je vais me faire un plaisir. Et avec plaisir. Tout le plaisir est pour l'argent de YouTube. Vous imaginez. Non. Ouais, en gros, c'était d'essayer de comprendre pourquoi on se faisait harceler à ce point-là. Est-ce que le CPF, c'est qu'une grosse arnaque ou s'il y a vraiment des trucs intéressants derrière? C'est-à-dire que tu peux te former en n'importe quoi, c'est-à-dire que tu peux prendre une formation de magicien demain si tu veux. C'est parti. Voilà. Donc, CPF, il n'y a pas que de l'arnaque et on a pu poser nos questions à ceux qui gèrent ça côté État et c'est intéressant. C'est ça, tu fais souvent des. Voilà. T'interviews les gens d'ailleurs, toi, c'est pas que juste. On essaye. La... Ouais. On alors, essaye d'aller chercher. Souvent un petit quand peu. Même, j'ai l'impression. Oui. Ouais, ouais. Je vais, ça spoile pas, mais j'ai regardé le début tout à l'heure, il y a un passage qui m'a fait beaucoup rire où. Tu t'enregistres quand quelqu'un t'appelle justement, y a quelqu'un qui t'appelle pour, ou alors c'est toi qui appelle, je sais pas. Oui, je fais une petite intro au tout début de ça. Non, mais t'as une conversation avec quelqu'un qui oui. qui démarche justement pour faire ses arnaques et la personne te dit, vous avez consulté votre solde CPF? Donc tu dis oui, et elle fait, d'accord, au revoir. Et il fait, bah, attendez, mais comment ça, au revoir et tout. Et c'est drôle, elle fait, et la personne fait. Oui, bon, c'est genre. Genre, oui, bon, bah, je t'arnaque. Tu vois, il y a vraiment une réaction hyper drôle. Genre, oui, bon, allez, c'est bon. Ouais, genre, vraiment. Et j'ai coupé les blancs, mais il y avait genre 5 secondes de blanc avant ses réponses. Tu vois, et je fais, mais vous vouliez me vendre une formation? Elle fait. Oui, bon, d'accord. Et je lui dis, non, mais expliquez-moi. Et vraiment, juste après, c'est bip, bip. Elle me raccroche au nez, tu vois. Mais c'est vraiment hilarant, quoi. Ouais, l'extrait était absurde. Tu dis, mais attends, mais je comprends pas, parce que vous vouliez me vendre une formation. Elle fait, oui, bon, d'accord. Oui, bon, bah, voilà. Elle avait fait un dessin. Et voilà, c'est. J'espère cool. que c'est aussi cool. drôle que comment il a raconté. Parce c'est que, sinon, très ça peu avait... drôle. C'est beaucoup drôle. Non, mais l'extrait c'est l'extrait super rigolo, intéressant. C'est super mais intéressant. La vidéo, en fait, on a galéré parce qu'en fait, c'est un sujet chiant, sa mère. Tu vois, c'est. À la base, la vidéo, elle faisait une heure de rush. Enfin, c'est dur d'écrire ces trucs-là aussi. Ouais, et on a dû la retourner une deuxième fois, désépaissir et tout. Et c'est assez dur de cadrer, justement, ce que tu dois expliquer qui est important. Ouais. Et tout ce que tu as envie de raconter, mais qui apporte rien, même si c'est un peu important dans le contexte, tu vois. Ouais. Voilà. Et est-ce que c'est mieux que la vidéo de Thibaut InShape, Je vais à un enterrement? Je l'ai pas encore vu malheureusement. Moi non plus, mais le titre est top. La vignette, tout est bien. Vignette, en fait, bien. Pour moi, écoutez, je l'ai pas vu. C'est la meilleure vidéo de 2022. La vignette, effectivement, elle m'a prise. Voilà. Mais c'est un terme qui est un peu trop utilisé peut-être en ce moment, mais là c'est peut-être mérité une masterclass. Une masterclass. Mais pour moi, il y a eu un virage dans la chaîne de T. Wayne Shape qui est régal. Toutes les 5 vidéos, j'ai vraiment. Mais base, il faisait de la muscu. Mais... il y a eu un virage vraiment délicieux. Et maintenant, il fait quoi? Bah, il fait des petites enquêtes, enfin, il interview des gens qui ont des maladies, il fait des enterrements. Il va dans des EHPAD et tout. Et apparemment, alors c'est un DM qu'on m'a envoyé. Apparemment, cette vidéo est dans sa playlist fun sur sa chaîne. Bah, le mieux, c'est quand même quand il voit une survivante de camp de concentration qui raconte son expérience. Une des meilleures. Et elle dit bah, on pouvait pas se laver, on pouvait parler à personne, on pouvait à peine manger, on pouvait pas faire de sport. Et il dit oh, le pire. Game. C'est boom. Et on dirait un truc de OSS 117. Ah non, mais il y a un peu de ça. Bah, y a eu récemment. Shape, ça fait partie de ces personnes où tu te dis, je valide pas, mais je suis quand même content qu'il existe. Bah ouais, récemment il y a eu quand même. Bon, monsieur Poutine, vous faites du sport, donc pour ça, respect. Mais bon, arrêtez la guerre en Ukraine quand même. Mais il adore trop le sport. C'est bah, son oxygène. Il est in shape, je te rappelle. Je suis tellement pas in shape. Maxime, oui, tu es l'étoile montante d'internet. J'aime beaucoup ton humour. Est-ce que tu as des autres idées de gros projets un peu comme l'émission Zen? Alors déjà, est-ce qu'on peut expliquer très vite fait, les gens doivent connaître, mais est-ce qu'on peut expliquer vite fait quand même ce qu'est Zen? C'est ton émission sur Twitch. Oui, c'est que ça. Que tu ne fais pas seul d'ailleurs. Non, je le fais avec Grim Cougeot, un pote à moi. Et puis ensuite on fait ça, bon, y a une grosse équipe quand même derrière moi qui m'aide beaucoup parce que c'est assez chronophage en fait. On fait ça de manière bimensuelle, donc c'est un talk où je reçois des invités et on s'amuse, on déconne quoi. On est des déconneurs. Là, c'est jamais deux fois la même, hein. On rigole. Quoi. Et est-ce que t'as d'autres projets? Ouais, alors je peux pas trop. Non, je peux pas trop en dire. Arrête. Ça s'appelle du teasing. Non, mais j'ai un projet autour de la cuisine, mais qui est un peu ambitieux et qui fait que du coup, bah, on a un peu. Tous les streamers. C'est top chef. Et du coup, vu que c'est assez ambitieux, ça demande pas mal de partenaires et bien tout. Sûr. On peut pas financer tout seul. Donc, on est en pourparler. Voilà, on verra. Et sinon, non, j'essaye juste de faire des petites vidéos sur. On peut te mettre en lien avec Joker, si tu veux. C'est son nom. Ça n'a vraiment rien à voir. Bah, c'est de la boisson. Ah, Joker, moi j'étais sur le rappeur. Non, pas du tout. Il est tellement jeune. Moi j'étais vraiment sur le rappeur. Joker, il pense le rappeur. Bah, bien sûr. Le jus d'orange. Le film. Mais le jus d'orange, oui, très bien. On peut t'aider. On les connaît. D'ailleurs, on parle talk show, Adrien. Quelqu'un a demandé, quid, petit débrief de tes devenus dans Popcorn? Est-ce que tu as kiffé l'expérience? Ah bah avec oui, Domingo. Bien sûr, non, ouais. PA, bah... moi je l'appelle PA, mais voilà, je me permets. Pierre-Alexis Bizot. Bah, bien sûr, PA. Coach Bizot. très bien. Après, comme je disais, c'est tellement un format différent de Floodcast. Ouais, ça parle moins de merde et de sperme. C'est un peu moins. Cette émission, on en a peu parlé, mais du coup, beaucoup de meurtres. Donc vous nous direz ce que vous préférez. C'est ça. Mais on en a parlé en amont avant le. On était un peu en mode sperme. On était un peu en mode couille, en mode sperme. On a parlé du cul de Maxime. Oui, c'est vrai. Alors, super, moi je vais faire pipi, je reviens, c'est carrément. C'est le trou de balle à Max. C'est le trou de balle à Max. La séquence trou de balle. Jingle balle. Trou de balle à Max. Il a joué avec un vrai ami. C'est un serveur. Il prend sa commande. Mais il y a son trou de balle qui est quand même bien présent dans le film, dans le film avec Alexandre. Bon, allez. En plus, c'est il a joué dans un film avec où il joue un serveur et prend la commande. Belle maman. Non, belle comme tout. Un truc comme ça. Belle fille. Et il joue un serveur Bah oui, je prends la commande. Ouais, qui veut quoi? Bien sûr. On nous fait comme ça là. Ouais, bien sûr, je vous la refais. Alors, je vais prendre les fruits de mer, le plateau de fruits de mer, et puis je vais prendre. C'est vrai, il a sa tête. Hein. Ça de tête. Non, hein, c'est... tu dis. Ah ouais. Ah, c'est ça j'ai que tu dit, dis. Ah ouais. Mais tu connais mieux que moi. Je l'ai regardé tout à l'heure. D'accord. Je l'ai envoyé à Florent, je lui ai dit, allume-le là-dessus. Allume-le là-dessus là. Ça et le stage. Mais donc juste me pourrir. Non, arrête Maxime. Dès qu'il y a un jeune un peu marrant, on essaie de le briser. De la peur. Parce qu'il prend notre place dans très peu de temps. Faites gaffe à T-Bone Shape. Ouais, c'est vrai. Adrien, on était sur Popcorn. Ah oui, non mais. Bah. faut que j'arrive à trouver mon rythme dans l'émission. Mais c'est trop bien, quoi. Mais évidemment, je suis pas encore aussi à l'aise que dans un floodcast qu'on fait depuis 7 ans. Évidemment. Puis c'est qui est en direct. Ouais, voilà. Mm. Mais trop bien. Moi, je trouve ça trop chouette. En plus, il m'a régalé dans la dernière parce qu'il a fait plein de jeux. Parce qu'il sait que j'adore les jeux, donc il a fait plein de jeux et tout. Donc je me suis régalé. Il l'a régalé. Et voilà. Non, mais si il me réquisitionne, ça sera avec plaisir d'y retourner. Et voilà. Non, c'est trop cool. Une question pour Pyjama. Allez. Qu'est-ce que tu préfères entre la musique et l'illustration? C'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là qui arrive bientôt. Je crois qu'on m'avait déjà posé cette question dans le dernier fois. Podcast. Bah, en fait, je crois qu'on me la pose tous les jours. Et moi, j'aimerais poser une question à ces gens. Ouais. C'est que pourquoi? Choisir. Enfin, souvent, on me dit si tu devais vraiment choisir, et il en resterait qu'un, tu vois. Ça ah ouais. Jamais. Et je pense que je dessine tous les jours, mais que la musique, c'est quand même très important. Mais je crois que je préfère dessiner en vrai. Ah ouais? Ouais. Ah bah tiens, par exemple, cette semaine, on est quel jour? On est dimanche. Ouais. T'as l'air saoulé de ma réponse. C'est pas ma faute. Hein. Ouais, c'est pas original. C'est pas du tout ma faute sur les dimanches. Hein. Hyper c'est original jour. Comme réponse. Non, on est à la fin de la semaine, tu dis on est dimanche. Super. En fait, cette semaine, typiquement, j'ai pas fait de musique alors que j'ai dessiné un peu tous les jours. Mais après, un peu de crowbar par-ci par-là. Ah oui, mais après, c'est plus immédiat. Enfin, vois, je pourrais me lever et faire. Tu le fais. Bah non. Tu chantes pas sous la douche, peut-être. J'ai une baignoire. Oh non. Une baignoire avec une douche. Tu prends pas un bain tous les non, jours mais pour en te laver. Vrai, c'est non juste mais que... réponds à cette question. Ouais, elle n'a aucun pommeau. Tout au robinet. En vrai, je dessine depuis que j'ai 4 ans, genre de façon assez obsessionnelle. Ok. Ça va, sinon. Et sinon, la musique, j'ai commencé à 16 ans et c'est vrai que je pense que je pourrais vivre sans quoi. Alors t'as commencé la musique à 16 ans. Ouais. Donc t'as commencé la musique, t'as fait la nouvelle star dans la foulée. C'est quoi. Ma première scène. Oh, oui, non, mais d'accord, mais de là à commencer. Sois impressionné, peut-être. Non, mais là où je suis, justement, c'est ce que je dis, c'est que je suis impressionné. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que t'avais quelques années de musique derrière toi zéro. Avant de faire la nouvelle star, quoi. Non. Toi, t'es dans l'immédiateté, toi. Elle est autodidacte. Mais non, mais elle marche au flair. Ah, comme son chien qui hurle. Ouais, enfin, oui, sauf que. Si vous avez pas les images, mais il est littéralement en train de se elle débattre. Là, je pense qu'elle a bouffé une phalange, là, ça y est. Ouais, mais tu sais, on s'aime. Non, mais, ça montre en tout cas, tu vois, la différence entre. Tu sais, c'est un peu Instagram versus reality, quoi. Oh sur Insta, le chien adorable, dans la réalité, une pourriture. Ouais, toi, en vrai, pareil dans les deux. Oh, j'ai raté. Instagram, non, moi, c'est l'inverse. Et réalité, oh là là, double menton. Non, mais pardon, parce que j'ai critiqué la question de la personne, mais en vrai, c'est juste qu'on me la pose beaucoup et je comprends pas forcément pourquoi. Mais ça m'amène à te poser d'autres questions. Lorenzo. Pourquoi? Ça m'amène. M'amène, bien sûr. Oh, oui. Tu l'as? Oui, je l'ai maintenant. Widos. Eh oh, et d'ailleurs, il est 4h20 ou quoi là? Il travaille dans ses locaux d'ailleurs. Exactement. Lorenzo, il a un travail? Ouais. Rappeur. Une entreprise de rap. Tu as ton nouvel album qui sort? Tout à fait. Pas tout de suite quand même. Pas tout de suite, en mai. Le 20 mai, c'est ça? Et tu viendras nous en reparler, bien sûr. Allez, enfin si quelqu'un se désiste. Oups. Oh, elle avoue les rouages de l'émission. Non mais c'est comme tu l'as écrit quand? Comment t'es terminé? Est-ce que c'est plein d'idées que tu traînais depuis longtemps ou est-ce que tu t'es posé? Parce que moi je connais pas du tout ce qu'est la routine, c'est-à-dire morning routine n'importe quoi. De Jean-Jacques Goldman. Non mais la routine d'un artiste musical. Est-ce que tu te lèves le matin et tu dis allez aujourd'hui je bosse ou est-ce que c'est un truc? Est-ce que tu te mets au pied d'un arbre et tu attends que l'inspiration arrive? Au pied d'un arbre. On dirait ma psy parce qu'elle a un accent allemand. Alors en fait, ce qui est pas mal avec le fait de combiner les activités, parce que par exemple depuis qu'il y a eu le Covid, moi j'ai essayé de me diversifier, donc j'ai fait un livre pour enfants, j'ai fait des illustrations diverses pour des gens, j'ai fait un album, j'ai joué dans un court-métrage, vraiment pas mon futur métier ça. et du coup, ce qui est bien, c'est qu'en jouant dans le court-métrage, j'avais des idées de BD, et puis en enregistrant des chansons, j'avais des idées de livres, et genre tout se... tout se vomit un petit peu par tous les pores en fait. Et joli nom dit. pour atterrir sur ton chien. Et du coup, non. Après, il y a des périodes genre de une ou deux semaines où j'étais avec mon ami Axel et avec qui on prenait du temps vraiment pour enregistrer, pour chercher des arrangements, pour chercher des paroles, etc. Et donc voilà, c'était des moments un peu concentrés de création de l'album. Mais sinon, ça vient un peu tout le temps, quoi. C'est un peu le cliché, en fait, tu vois. Non, mais c'est bien, ça, t'es sur ta douche, d'un coup, t'as une idée de chanson. Ah, pardon. T'as une douche, donc. Non, quand je suis dans un hôtel. Ouais. Je t'ai bien cassé. Elle ne peut. Bah, t'es brisé Nice. Ouais. Je t'ai cassé. Il le fait bien. C'était le mec. C'est vraiment le gars. Il m'a dit, mais il y a du jardin autour de la table. Non, c'était Adrien. Non. C'était tout bonnement Adrien. D'ailleurs, on peut peut-être dire que depuis tout à l'heure, c'est moi qui fais Macron. C'est pas. Attends, c'est toi. Ouais. Donne-moi pas capté. Mais ouais, mais. Viens, mets un masque peut-être pour l'odeur. Allez, t'inquiète. Question pour Maxime. Oui. Est-ce que le fait d'avoir rejoint la Cacabox t'a aidé à gagner en notoriété? Voilà, tu peux découvrir un peu sa carrière maintenant. S'il avait eu un stage chez Golden, C'est terrible. La Cacabox, qu'est-ce que c'est? C'est juste des groupes, groupes de potes qui jouent ensemble aux jeux vidéo. Il y a vraiment aucune organisation. C'est senti obligé d'expliquer très vite. Alors, la Cacabox, qu'est-ce que c'est? Bon, voilà. Ça m'aide beaucoup, surtout que on fait beaucoup de choses avec Terracide, notamment soit sur YouTube ou sur Twitch. Et vu que Terracide est déjà suivi par beaucoup une de vedette, monde, et tout. C'est une vedette du web. C'est une star, forcément. Il était à Video City Paris, je suis sûr. Mais c'est sûr, il était à Paris Games Week. Je te le donne en mille. Je te le donne en mille. Au stand Colin. Ouais, moi aussi. La Japan Expo. Donc forcément. Et oui. Toi, c'est pas Terracide, c'est Terraciste. Oh là là là là. La petite bulle. Et toi, c'est tes racines parce que t'es un arbre, parce que t'es vegan. Un chêne centenaire parce que je suis vieux. Oh. En attendant, ton chien, il est très calme dans mes bras. Pascal, le grand frère, dit vraiment. Il est pas fait de clé de bras encore. La Cacabox. L'homme qui meurt. Oui. La langue des chiens. La Cacabox. Non, forcément, ça aide parce que déjà tu joues. Tu joues avec des copains qui eux sont plus suivis et tout, donc forcément par inertie tu gagnes en notoriété forcément. Le game. Tu grattes la forcément. Il a dit qu'il suce le buzz là. Oui, c'est ça. De toute façon, je pense qu'Adrien va pouvoir me rejoindre là-dessus parce que toi aussi tu fais quand même quelques lives sur Twitch, même si tu en fais pas. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais. Tu fais pas ton truc principal, mais quand t'as pas déjà une communauté ailleurs sur un autre réseau, sur Twitter, YouTube ou quoi, commencer sur Twitch c'est vraiment délicat. Ouais. C'est super dur en fait. Tu commences avec un viewer, la plupart du temps c'est ton retour. Donc il n'y a vraiment personne qui regarde. Et vu que le principe même c'est l'interaction, c'est vraiment très compliqué. Donc au début c'est assez chiant. Donc effectivement, avoir des gens avec qui jouer, avec qui discuter et tout, c'est beaucoup plus facile. C'est cool. Et puis c'est pas fake. Vous êtes très potes, vous marrez beaucoup entre vous. C'est ça. Et il y a des envies de faire des. Vous en avez peut-être déjà fait, je connais pas très bien. Moi, tu sais, moi je suis pas très Twitch. Oui, j'ai beaucoup de respect, mais je connais pas très bien. Vous avez déjà fait des trucs IRL ou des activités un peu Non, que des pantouflards. Mais il y a pas d'envie des trucs comme ça. Bah eux ils sont, ça dépend parce qu'il y a vraiment des gens très différents, mais la plupart je trouve qu'ils sont dans leur petit truc de stream en slip, on est très content comme ça. Moi je suis pas trop dans ça. En fait moi j'aime pas spécialement stream. Genre je me considérais pas vraiment comme streamer, j'aime juste faire un petit peu ça parce que ça me plaît, parce que ça me permet aussi de faire des émissions, des talks et tout, mais vraiment juste le principe de stream tous les jours et tout, ça me plaît pas spécialement. Moi j'aime bien justement les trucs dans la vraie vie ou des vidéos plutôt sur YouTube et tout. Oui, en fait toi c'est les concepts qui te plaisent et peu importe où ça va, parce que sur YouTube t'as fait pas mal de trucs. Il y a une vidéo très drôle que t'as fait avec Poulpe et Terra justement. Et Terracine. Voilà. Ou en gros, tu l'as vu peut-être Adrien? Non, je crois pas, non. En gros, tu peux expliquer. Tourner ici d'ailleurs. Ouais, tourner ici, c'est vrai. Où en fait j'ai rien inventé, mais c'est un concept qui me faisait rire. En fait, on appelle des gens au hasard. C'est vrai que t'as pas inventé. Moi je préférais la Cacabox. En fait, on appelait des gens, sauf qu'en fait, on entendait pas. Oui, j'ai vu ça. En fait, on met un casque sur la tête avec de la musique, on doit tenir la conversation avec cette personne en déduisant ce qu'elle dit via les gestes des autres qui regardent. Et ça donne les gestes barrières, situations du coup, cocasses. Oui, voilà. Cocasses. Mais moi, ce que j'aime, c'est tes vidéos Twitter où les gens crois que c'est vrai. Ouais, très premier degré. Ça c'est. Ah mais et ça va. Il y en a beaucoup. Tu te prends pas trop de sauts de merde. Oh, c'est mais pas, tellement. Julien Pagnac, je crois qu'il nous en avait parlé des fois. Non, il en avait pas parlé, je crois. Mais il nous avait parlé en antenne. Je sais pas. Oui, mais Julien Pagnac, c'est son fameux tweet. Il avait fait un tweet un peu ironique. Squid Game. Exactement. Oui, le tweet Squid Game. C'est ça. Oui. C'était du coup pris des sauts de merde de gens que je ne comprenais pas. Mais de ça, enfin, c'est du harcèlement. Ah oui, c'était sûr que ça allait dégager ça. Ouais, super, Adrien, donner à manger du chocolat à mon chien. Non, je l'ai pas donné, il était posé, comme il est mal éduqué. Elle. Et donc, toi, par exemple, tu t'es pris des gens qui pensaient tout le temps, que. Tout le temps. Et puis, il y a ce truc de. Les gens co-tweet. Ouais, c'est disant, ça, en fait. Regardez ce petit con. Voilà, c'est ça. Ou alors, mais qui trouve drôle ce connard. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça, quand t'es 13 second degré. T'as deux écoles, t'as ceux qui disent ouais même si c'est second degré c'est pas drôle, ou ceux qui disent qui pensent que c'est premier degré, donc oui. Dans tous les cas tu te prends des sauts de merde. Il y a pas une troisième catégorie un peu. Les gens qui trouvent ça drôle la plupart du temps ils disent pas forcément. Oui, c'est vrai. Donc en fait sur Twitter c'est pas l'endroit. Twitter c'est pas l'endroit. Il like ou il retweet. Il like ou il retweet, tu vois, ça va, mais c'est plus silencieux quoi. Exactement. Souvent les gens qui n'aiment pas veulent te le faire. Veulent que tu le saches. Veulent que tu le saches et que tout le monde le sache. Que tout le monde le sache. Ils veulent que tout le monde relaie ton message. C'est ça, exactement. En fait, c'est ça. Ils essayent de vraiment de. Mais bon, en vrai, c'est le jeu malheureusement. C'est comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Mais d'ailleurs, il y a un truc. Un jeu de poulpe d'ailleurs. C'est le serpent qui se mord la queue. J'ai toujours dit. Bien sûr. C'est le verre à moitié vide. C'est le jeu de la bouteille. Tout simplement. Mais souvent, quand ça arrive, tu sais que des gens prennent ça premier degré et tout, souvent la réaction des gens c'est genre bah oui mais en même temps tu trolls, c'est normal, alors que c'est genre mais non je troll pas, j'ai fait une vidéo et les gens ont cru que c'était vrai parce qu'ils sont cons, c'est pas une vanne, genre si personne ne pensait que c'est vrai je serais ravi quoi, enfin ouais, normalement c'est ça tu vois, et les gens pensent que tu as essayé de piéger les gens alors que en plus enfin toi tes vidéos il y en avait quelques-unes où vraiment c'était évident que c'était un personnage quoi, tu genre il y en a une où la première seconde tu hurles, enfin tu fais un rire, tu fais tu dis bon bah c'est faux, non les gens ils croient quand même. Je clashais le gouvernement. Clashais Macron. Bienvenue ici. Mais c'est vrai, mais même dans les tweets c'est à l'écrit donc c'est pire, donc je fais exprès de vraiment genre mettre plein d'émojis, de trucs et tout. Malgré ça, la première journée, les premières 24 heures on va dire, tout le monde comprend, il y a pas de souci. Je me réveille le lendemain. Oui, parce que après quand ça atteint. Quand ça atteint une certaine sphère. C'est ça. C'est terminé. Plus personne comprend, c'est des sauts de merde. C'est des sauts de merde. Ça t'affecte pas trop? Au début, oui, parce que en fait, j'avais pas vraiment choisi ça. C'est un tweet qui avait marché et qui a fait que d'un coup, il y a plein de gens qui se sentaient légitimes de réagir à mes trucs. Alors que moi, je faisais des vannes pour mes potes à la base. Il y avait personne sur Twitter. Ouais. Donc quand ça arrive à ce moment-là, je me dis waouh, mais j'ai rien demandé. Juste, je fais des vannes. Tu vois. Ouais. Mais après, maintenant, du coup, je suis habitué. Il y a plus de. Bah, c'est comme ça, quoi. Ouais. T'as quand même ton fait d'arme, c'est quand même ce fameux tweet qui a été cité. Ah oui. Sur alors LCI, ça, c'est... Non, alors en fait plus. Ce que j'avais fait, j'avais dit ouais je viens de me faire vacciner dans la rue, je suis trop content et tout. Et en fait sur Twitter tu peux mettre la localisation. J'avais dit ouais je me suis fait vacciner gratuitement dans la rue et j'avais mis via Porte de la Chapelle. Donc les gens avaient compris que c'était une vanne et tout, sauf malheureusement une journaliste de LCI qui l'avait repris en disant voilà il y a des gens qui sont contents de se faire vacciner gratuitement dans la rue. Ils avaient affiché le tweet à la télé affiché, et tout donc quoi. Terrible, mais terrible, ils font parce pas que... vérifier à plusieurs personnes. Bah, ce qui est terrible c'est que les chroniqueurs autour se disent mais vous avez vu vous êtes... Ouais, c'est une blague quoi. Ouais, et elle se rencontre en direct sur LCI en direct. Elle dit, elle se rencontre. Je savais, c'était pour. Non, qu'elle assume pas. Pire que ça. Elle a dit non, mais en fait, l'histoire est un peu compliquée. Oh, mais la voilà. Menti. Ouais, c'est terrible. Ouais, et moi, je m'en suis un peu voulu parce que du coup, j'avais repris cet extrait en disant mais c'est fou, c'est drôle. Mais elle s'était pris des sauts de merde. Ouais. Donc j'avais dit écoute, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit écoute, je vais supprimer le tweet. Je veux pas que tu te prennes sauts de merde. Elle a dit non, tranquille. Et maintenant, vous êtes ensemble. D'où tu la tutoies? Non, je l'ai vous voyé. Mais je me souviens que t'avais fait aussi un tweet pour dire. C'est bon, arrêtez de. Oui, c'est ça. Elle a fait une erreur, c'est pas grave. Elle a fait une erreur, c'est ok quoi. Ça reste un bon gars. C'est horrible quand même parce que tu vois, l'absurdité de cette scène est incroyable et on pourrait tous en rire. C'est drôle, tu vois. Ouais, et oui. Moi, c'est un truc que je ne tweete plus beaucoup depuis des années parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on me casse les couilles à la fin. Ouais, et oui, souvent, je me dis, en fait, mon avis, bah, je le garde pour moi maintenant parce que flemme, tu vois. Ouais. Et c'est fascinant. Bah, c'est un truc qui j'ai supprimé mon compte Twitter. Ouais, voilà, tu vois. Enfin. Ouais. On a la chance d'avoir le Floodcast. Mine de rien, je trouve que le Floodcast, c'est un peu l'endroit où on peut faire des vannes, dire de la merde et partager des informations. C'est un format différent, donc c'est plus simple. Non, mais c'est ça. Mais en fait, du coup, les gens peuvent réagir et écouter et il n'y a pas de galère, tu vois. Le chien est vraiment assis comme si c'était un. Le sixième endroit. et d'ailleurs, un peu dans la même lignée de compte ironique, il y a Niemesia sur Twitter. Je sais pas si vous la connaissez. Qui, ce sont sport olympique. Faire vraiment passer pour une pimbèche stupide. D'accord, c'est vraiment okay. Limite sa bio. Et c'est genre s'il vous plaît, il y a des gens qui parlent, c'est... il y a des bruits de... Mais nous on fait des, ouais, des petites touffes de chien. Ouais, mais bon. Et du coup, ouais, tu vois, c'était genre ouais, on va passer du Coca Light ou des trucs comme ça. Elle fait ouais, enfin, c'est l'expression quoi, tu vois, quand tu passes d'un truc à l'autre. Et du coup, elle se prend des sauts de merde. Et t'as ce truc où chacun de ses tweets se retrouve sur les comptes Instagram. De buzz. Chez Twog, genre de non, eux ils comprennent l'ironie. Oui, non, mais sûr, tu vois, sur les pages de buzz, et tout le monde se fout de sa gueule H24. Et je sais pas comment elle arrive à en jouer à ce point là, parce que morse voir ce qu'elle reçoit, franchement, flemme. Ouais, mais après, si son compte fait que ça, mais je sais pas. Oui, mais après, moi je trouve que c'est quand c'est un truc second degré et que les gens insultent la personne que tu prétends être. C'est pas grave, parce que tu dis oui, bah en fait vous êtes juste con et vous insultez. Vous m'insultez sur un truc que je pense pas. Oui. Ce que tu disais quand les gens disent ouais, même si c'est du second degré, t'es pas drôle, c'est ça qui peut plus t'affecter, ouais, je pense. Ça. Parce qu'il y a un côté, oui, bon, ok, donc vous me trouvez pas drôle et vous me chiez dessus pour en ça. Fait, ouais, après, ouais. Quand ta ligne édito c'est uniquement faire du second degré, et donc les gens, au pire, tu peux en rire, je pense, plus facilement, parce que tu dis oui, mais il m'insulte pas, en fait, il se ridiculise plus. Ce qui est fou, c'est que. M'insulte pas Mais t'as du volume quand même, tu vois. Ouais, il y a du volume, et en fait, moi je trouve que ça t'affecte pas dans le sens où, genre, ça te blesse, mais je trouve que, enfin, pour avoir eu parfois des. Pareil, des. T'as buzzé, toi également. Non, pas forcément, non, mais ça m'est arrivé que des gens comprennent pas que c'est du second degré, et du coup, bon, bref. Et en fait, c'est pas que ça te blesse parce que tu te dis, bah, c'est pas moi, y a aucun lien avec la réalité. Mais il y a un côté, t'es exposé à la méchanceté des gens de façon vraiment. Frontale. Ouais. Et ça, c'est ça qui t'affecte, je trouve. Ouais. Je te dis, mais putain, si je pensais vraiment ce que j'ai écrit, c'est horrible tous ces gens qui. Tu humilies un pauvre gars un peu débile, quoi. C'est horrible, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Mais ce qui est fou, c'est que tu peux mettre. J'ai un grand cœur, il l'a dit. Je pense que tu peux mettre n'importe quoi. Mais il roule sur les pistes cyclables en scooter. Oui, ah, oui. Ouais. Voilà, donc, tout ce que vous dites, faut le garder en tête. Adrien roule sur les pistes cyclables, donc quelque part. Ouais. Bah, alors, je suis un esprit libre en fait. Bon, t'as pas le droit d'aller là. Si ça te dérange personne, je le fais. Je rappelle la Bible satanique. Il y a quand même un truc qui est fascinant, je trouve, c'est que peu importe ce que tu fais, je sais qu'à tout moment, peu importe le tweet que je vais faire, il y aura toujours des gens, premier degré, pour m'embrouiller. La dernière fois, j'avais posté un truc, c'était tellement con. C'était ouverture facile. Quand tu vois ça, tu sais très bien que tu vas te taper un gros délire. J'ai pas raison, la team. C'est vraiment un truc comme ça. Donc, millième degré, tu vois. Enfin, normalement, les gens. Mais je savais en postant qu'il y avait des gens qui allaient le lendemain le citer en disant mais connard, mais on l'a vu mille fois ce tweet sur l'ouverture moi, facile. Oui, souvent c'est Sylvain qui commente d'ailleurs. Je ne te prendrai pas en stage, laisse-moi. Je trouve ça fou, genre il n'y a aucun second degré. Bon, après, c'est la vie. C'est terrible. C'est la vie artiste. Non seulement ils n'ont pas de second degré, mais en plus ils sont méchants, quoi. Oui, mais c'est encore que tu t'es pas compris une vanne. La grosse moula, les méchants. Parce que moi aussi, tu vois, je lis parfois des trucs et je dis qu'est-ce que c'est nul, mais je vais pas aller. Dire au gars grosse merde. Mais c'est ça qui crée des groupes WhatsApp avec vos potes pour ça. Mais voilà, il y a des stories amis proches. Oui, voilà, les stories amis proches, ça je le fais. Oui, et je me retiens beaucoup. Et j'aime beaucoup. Je te le dis, même de ce que je vois, j'aime beaucoup. Sylvain, oui. Après toutes ces enquêtes, as-tu déjà eu des coups de pression de marques, de lobby, etc.? Non, j'attends patiemment. Même enfin, pas un alors, même si pas... j'ai quand même une petite histoire rigolote qu'on voulait raconter un jour. J'ai raconté rapidement, mais il s'avère que après Lama Fâchée, quand on a fait donc la vidéo Lama Fâchée, oui, où tu cherchais, enfin où tu parlais de l'identité de Lama Fâchée. Exactement, pour des raisons qui étaient que voilà, il y avait une enquête qui était sortie de la part d'une journaliste avant et qui nous on trouvait un autre résultat et les gens n'étaient pas forcément convaincus par son résultat. Et donc on a trouvé donc un couple qui vit à Dubaï, etc. Et quasiment un an après, on a reçu une relance de mise en demeure. On n'avait pas reçu le premier mail. Et c'était effectivement un mec qui nous disait, voilà, je représente Lama Fâchée, il faut supprimer la vidéo maintenant. Parce que diffamation, blablabla, plein de choses. Donc en fait, on a eu la chance d'avoir un contact avec un avocat qui nous a dit... qui est ce gars, tu vois, genre, il raconte n'importe quoi, il est juriste, il est pas avocat, etc. Ouais. Et donc au final, l'avocat a répondu, il a essayé ensuite de striker la vidéo et ça a jamais rien donné. Putain. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un profil assez curieux, ce personnage, c'est-à-dire qu'il est sûrement un peu juriste, mais bon, on va dire qu'il a des En fait, on aurait bien c'est voulu. C'est Banksy, t'es en train de dire que c'est Banksy. Non, c'est un mec qui a été condamné pour mise en examen pour apportation d'armes illégales en France. Ah. Et donc, du coup, on a. Tout à fait sur Banksy. On voulait faire une vidéo. Pour le moment, on l'a fait pas. On attend de voir si un jour il va nous planter ou pas. D'accord. Donc, okay. Donc, déjà, c'est bien de voir ce podcast. Tu verras comment voilà, ça comment la température. Mais non, en fait, ouais, c'était assez bizarre. Et plus on creuse parce qu'on connaît des gens qui ont entendu parler de ce type et tout, et c'est de plus en plus shady. Ah, c'est fou. Donc, c'est un bon spin-off, ouais. Mais dangereux. Voilà. Plus dangereux que prévu. Mais sinon, ça va. Une vraie confiance que tu nous portes, ça me fait plaisir. Voilà. Tu choisiras de couper ce que tu veux si tu veux. Ah non, non, ok. Malheureusement, nous, si c'est pour le buzz, tu sais que ta mort, il passera. Hein. Écoute, si c'est pour ça, ça me va très bien. On a déjà enlevé tout le passage, enfin bon, bref. Sur la trottinette. Ouais, voilà. Et une question pour Pyjama. Alors, comment s'est venue cette idée de faire un livre pour enfants avec Pomme? Comment ça s'est fait? Est-ce que vous y avez pensé ensemble? Est-ce que vous vous connaissez? Ouais, on est copines et on est parties un moment en vacances toutes les deux. Et en fait, je savais qu'elle voulait faire des livres pour les enfants. Moi, j'en avais déjà fait. Du coup, j'avais un peu de bagage. De bouteilles. Et du coup, je lui ai dit, bah vas-y, écris un livre. Et puis moi, je l'illustre et on verra ce que ça donne. Et on a ri. Mais oh, on a ri. Là, vous aviez un peu les mains sur le ventre comme ça, en vous secouant. Ouais, on avait envie de vomir de rire. Oh là là. Et en fait, et tout voilà, avec le chien. C'était très, c'était très sympa de travailler. Moi, d'habitude, j'aime pas trop travailler avec mes amis parce que j'ai souvent envie de leur fracasser le crâne sur un mur. Et il faut dire qu'on s'entend très très bien. On s'entend très très bien et du coup ça s'est super bien passé. On a rencontré une super éditrice qui a une maison d'édition qui s'appelle La Ville Brûle. Et le livre sort le 20 mai, voilà. Chers amis, on va faire un petit tour des recommandations, vite fait, avant de se quitter. Recommandations culturelles, peu importe, hein, que ce soit cinéma, théâtre, télé, bouquins, vieux, récents, peu importe. Sylvain. Ouh, direct. Ouais, ouais, bon, ouais. Ok. J'ai bien réfléchi, je savais pas trop de quoi parler, et je peux vous recommander, si vous ne la connaissez pas, mais elle marche bien, on va dire, une youtubeuse qui s'appelle Ici Ami Plante. Je d'accord. Sais pas si ah ça oui, vous j'en parle. Ai entendu trop parler, forte. Bien sûr. Ouais, ouais, une petite jeune qui est à l'école 42, donc de développement informatique. Mmh. Je crois qu'elle y est encore. Et qui, en gros, fait des vidéos sur, effectivement, la tech et un peu le développement. Et forcément, c'est dans des trucs qui me parlent, donc c'est aussi parfois du hacking ou des trucs comme ça. Mais qui le fait sous une forme assez folle où c'est un peu du vlog, enfin, c'est même beaucoup de vlog. Et c'est très bien monté. Il y a un truc. Assez balèque dans la forme, mais en même temps il y a une vraie trame d'écriture et c'est super frais comme format et ça a pété assez vite. On a déjà fait des interviews combinées, hein, donc ça marche bien, mais très très cool et voilà. Si ça donne envie. Petite chaîne YouTube, belle chaîne YouTube, voilà. Belle chaîne YouTube. Voilà pour les geekos, mais pas que. Non, c'est plus grand public que ce. Oui, parce que moi j'ai vu, je crois que j'ai vu une vidéo. Alors moi qui suis pas un geekos, en tout cas pas de ce genre de choses, j'ai appris. Enfin, je trouve ça vachement bien. Ouais, elle prend le temps de bien expliquer ça et ouais, non, c'est très bien fait. Très cool, Pauline. Moi, je trouve ça dur cette question parce que je parle très mal toutes des livres, dures, des en fait. Films. Non, bah, l'autre peux... avant était nul. Mais tu peux dire les titres sans développer. Non, mais alors ça du coup, des... je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit les deux derniers films que j'ai aimés, c'était le dernier Pixar, Turning Red. Ah, ça, oui. C'est quoi, Alerte Rouge? Alerte Rouge. Ouais. Et Le Silence des Agneaux. Bah, deux ambiances. Le Silence des Agneaux, je l'ai découvert dans une séance de cinéma à la BNF, ça. Ah, trop bien. Et présenté par une youtubeuse qui s'appelle Demoiselle d'Horreur. Et en fait du coup ce qui est bien c'est que moi je connais pas du tout les films qui font peur en général, je me suis limitée à Les Experts Miami au niveau de la peur, après j'ai arrêté et elle explique bien, elle présente bien et tout, donc c'était super. Et il y a d'autres séances mais la prochaine je crois que c'est The Ring et ça d'accord. Jamais j'irai. Vraiment, ça fait très faut peur comprendre. Et sinon il y a une chanson que j'écoute beaucoup en ce moment qui s'appelle Nobody de Mitski. Je connais pas okay. Mitski, mais il paraît que c'est une artiste géniale. Et il y a un mec qui me fait beaucoup rire sur Instagram, qui n'est pas Adrien Méniel, pas toujours. Il s'appelle Théo Fernandez, je sais pas si vous le connaissez. Ah oui, j'ai tourné avec il lui. Il me fait trop rire. Et vraiment, vous connaissez peut-être parce qu'il était au cinéma, il a joué dans Les Tuches ou dans Gaston Lagaffe, mais sur Instagram. Il a joué aussi dans Irresponsable bien sûr, et il est dans la série vachement bien qui s'appelle Stalk, qui est sur France, France TV. Mais c'est vrai que pour moi, c'est même pas le même gars, tellement il est drôle en fait. Et il est vraiment très drôle. Le dernier tournage que j'ai fait, c'était avec lui. On me permet d'enchaîner. On permet d'enchaîner avec Raconte-nous cette histoire. Elle a pris les rênes de l'émission. T'as tourné dans un film. J'ai un tout petit rôle dans une série, mais j'avais notamment une scène avec Théo. On a bien ri. Il est drôle. Mais en fait, on se connaissait, on s'était déjà envoyé des messages et tout, on s'était déjà croisés. Et c'est la première fois qu'on tournait ensemble. Il est très drôle sur Instagram. Il est très très drôle sur Instagram. Et pas que drôle, il est intelligent aussi. Oui, de ouf. Enfin, ça va, je suis pas amoureuse de lui non plus. C'est bon, le melon du gars. Molo molo. Bref, voilà, je crois que c'est tout. Très bien. Maxime. Oula, moi j'ai beaucoup hésité. Parce que il y a un réalisateur trop intelligent parce pour que être j'ai trop de culture. En fait, je suis trop malin. Non, justement, c'est ridicule parce que j'avais une idée, mais elle était nulle. Et en fait, je vais parler d'elle quand même. Mais j'avais hésité avec le réalisateur italien. Peut-être que vous connaissez Paolo Sorrentino, qui a fait The Young Pope, qui a fait La Grande Bellezza et tout. Bien je trouve sûr. Ça fascinant. Genre, tous ces films, je les trouve incroyables. Donc, si des gens connaissent pas, vous avez. Quel soit le premier que tu conseilles, parce que c'est là que pour moi, c'est La Grande Bellezza qui est fantastique pour moi. Tu as l'accent qui est quand même bien fait. Pardon. Excuse-moi. C'était de l'admiration. Moi j'aurais dit genre La Grande et Belle. Il y a un autre film qui s'appelle Il Divo qui est très bien aussi. Enfin voilà, regardez, si vous connaissez pas du tout, vous avez genre 5-6 films qui sont tous incroyables à regarder. Mais sinon, en vrai de vrai, ce que j'ai binge-watché, comme on dit là, c'est le truc de Squid Game. C'est la Formula One sur Netflix, je trouve ça fascinant, genre c'est hypnotisant. Il y a une nouvelle saison ou pas du tout? Il y a la saison qui est sortie, la saison 4, et d'accord. En fait, il y a eu plein de dingueries dans le championnat. Ouais, c'est des fous un peu. L'accident de Grosjean. Ils roulent à fond la caisse. Et avec l'essence. Ils vont à une vitesse. C'est dingue. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens très très différents qui apprécient cette émission. Alors qu'à la base, on se dit c'est une émission de daron du dimanche. Un c'est vrai, qu'il y a 90% des gens qui aiment Formula 1 disent alors pourtant, je m'en branle. C'est plein de gens. Top Chef, pas du tout. Non, mais Formula 1, c'est vrai que moi j'avais vu juste la saison 1. Après, moi, c'est mon problème avec les séries, j'arrive pas à regarder plus. Mais j'ai adoré ça, alors qu'effectivement je me suis jamais vraiment intéressé, mais parce qu'en fait c'est vraiment écrit comme une série. Enfin, il y a des cliffhangers à la fin de chaque épisode, il y a des dramas, des trucs complètement. En fait, moi ce que j'adore, mais c'est aussi dans le super film Le Mans. C'est Ferrari versus Ford en anglais. C'est ça, un truc comme ça. Et en fait, j'adore l'histoire des écuries qui se tapent sur la gueule et en même temps des conducteurs. Tu devrais regarder des westerns. Je voulais faire un feu, il a eu peur. J'ai cru que t'allais le taper. Non mais en gros, j'aime trop quand tu vois les écuries se prendre la tête, genre des grosses multinationales, et en même temps des mecs derrière des volants visuel, qui essaient de conduire. Ouais, c'est incroyable. Ça, j'adore ça. La grande et petite histoire qui se mélange. Et Formule 1, c'est que ça. Et surtout, si vous aimez pas la Formule 1, parce que moi c'était le cas, on m'a forcé à regarder et je regrette pas. Genre, c'est vraiment trop bien. Mais donc, tout même monde si ça, vous quoi. En foutez de la Formule 1. Vraiment, regardez. Je vais regarder. Pareil, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment bien. Après, je me questionne sur l'utilité de regarder les saisons précédentes, puisqu'à chaque fois, c'est vraiment chronologique en fonction de la saison passée. Ouais. Je sais pas à quel point ça peut être intéressant. Oh, mais si vous avez la flemme, regardez la dernière seulement. Et La première super. Est vraiment cool en tout cas. Moi, j'ai vu la première. Moi aussi, elle la est vraiment première. Cool. Vraiment cool. Mais tu vois, autant il y a des séries où ne pas les regarder au bout d'un moment, ça devient excluant. Et je trouve qu'on est vraiment en train d'arriver là-dessus sur Formula 1 où tout le monde en parle. En plus, t'as chaque saison, en plus, voilà. C'est un coup de gueule. Non, pas du tout. Mais c'est la première série où les gens te disent pas. Alors, faut attendre les trois premières saisons qui sont un peu chiantes. La 4 est vraiment folle. Et là, on est sur du réel, tu vois, en plus. Tu vois, ça change tout. C'est que c'est de la série docu. Mais alors, moi, mon problème, c'est que j'ai du coup envie de me spoiler un peu sur les séries docu. Des fois, j'ai un peu envie de me spoiler. J'arrive pas à attendre. T'as plein de problèmes avec les séries, en fait. Je déteste ça. Non, mais j'ai un peu envie de me. Tu vois, des fois, il y a des trucs genre. Mais alors, est-ce qu'il va aller chez Red Bull ou chez McLaren? Et j'ai un peu envie de faire. L'avantage avec ça, c'est que vu que c'est des anciennes saisons maintenant, si on regarde pas la dernière, bon ben on s'en fout. T'as pas besoin de te spoiler vu que c'est la réalité de il y a 4 ans qui n'est plus la même maintenant. Donc oui, c'est vrai. Cela dit, mais ça te donne peut-être un bon contexte. Oui, c'est vrai. J'imagine que ça a hypé à l'époque. Alors le petit peps, c'est réel. C'est réel. C'est réel. Il faut que je le mette. Alors moi j'ai trois trucs, je vais essayer de faire vite. Non mais c'est riche. Non, la premier truc c'est la série drôle sur Netflix, parce que je le dis parce que en fait j'avais eu des retours plutôt négatifs. Notamment de gens qui disaient les parties sur scène, on n'y croit pas trop. Mais c'était Macron. C'est le président lui-même. Et du coup, moi, ça m'avait. J'avais entendu deux, trois trucs comme ça et ça m'avait un peu. Démotivé. Pas encouragé à regarder. Et puis j'ai regardé, en fait j'ai tout regardé d'une traite et j'ai trouvé ça bien. Et parce que je me suis souvenu que quand on a sorti Derby Girl par exemple, je me suis souvenu de commentaires qui disaient c'est pas du tout comme ça le derby. Et je m'étais dit, mais on s'en branle, c'est pas du tout. Et du coup je me suis dit, ah mais ça doit être la même chose. C'est-à-dire que des gens qui disent, oh le stand-up c'est pas comme ça. Enfin, mais on s'en fout, c'est pas mais le propos. C'est faux, en plus. Et en c'est plus, je ça. Trouve que déjà d'une part, je trouve que c'est plutôt bien retranscrit, je trouve que les vannes marchent plutôt bien. Et puis c'est tellement dur de filmer du stand-up. Ben oui, c'est juste, je trouve que c'est juste tu comprends que les blagues sont drôles, c'est gagné. T'as même pas besoin de rire à haute voix. Funny People, qui est un de mes films préférés, tu ris pas à haute voix devant les passages stand-up. Exactement. Donc, d'une part, je trouve ça bien réussi. Ce truc qu'on m'avait plutôt critiqué, je trouve que c'est très réussi. Et puis, je trouve que l'histoire, ça m'a. Enfin, voilà, Fanny Herrero, super. Moi, j'ai adoré 10%. Et je trouve ça. J'ai vraiment regardé ça. J'ai fini ce matin. J'ai tout regardé. Enfin, j'ai commencé hier soir. J'ai fini ce matin. Ils ont vraiment bossé. Ils ont bossé avec plein d'auteurs. Stand-up, jeune et moins jeune. Enfin, et puis on voit des petites apparitions de Fanny Ruet, Hakim Jemili, tout ça. Bien sûr, c'est Panayotis. Ouais. Panayotis. Je me suis arrêté à l'épisode 2 pour le moment et j'ai trouvé ça très bien. Ouais, moi j'ai absolument je m'y mets, j'ai pas trouvé le temps. J'ai trouvé ça chouette. C'est très fluide, enfin, c'est très réel. Puis ça joue bien. Et puis c'est des nouvelles têtes. Enfin, ça c'est con, mais ça fait grave plaisir. Apparemment, elle avait la volonté de trouver des gens qu'on connaissait pas, quoi. Et il y a vraiment des gens, le mec qui joue Bling par exemple, je trouve le personnage est super, le mec est super et tout. Donc voilà, bon, j'ai dit que j'allais faire court. Sinon, le deuxième truc, c'est. Alors là, c'est une semi-reco parce que je viens de commencer le truc, mais je trouve ça chouette. C'est le sport. C'est le sexe. J'ai découvert ça, c'est top en fait. Je vous conseille. Pour moi, c'était juste un sujet de blague jusqu'à présent. Et donc, en gros, il y a un truc derrière. Et le sperme, c'est le truc à la fin du sexe là. C'est génial ce truc. Un livre qui existe en livre audio qui s'appelle How to Be Perfect, qui est écrit par Michael Schur, qui était auteur sur The Office et qui a ensuite produit Parks and Recreation et qui a créé The Good Place, la série. Oui. Nulos quoi, disons. Un nulos. Il fout rien les gars. Et il joue d'ailleurs aussi Moe dans The Office, accessoirement, le cousin de Dwight. Et c'est un livre sur la. C'est de la vulgarisation de philosophie morale. Donc, l'existentialisme, je sais plus comment on dit, mais bref. C'est en anglais. Voilà, bon, je suis un zèbre, donc moi, pour moi, mon cerveau ne fait même pas la différence. T'es un enfant du monde en plus, donc. C'est parce que bon, c'est un mec marrant, donc il vulgarise, mais en rendant le truc drôle et tout. Et je trouve ça vachement intéressant, justement, il pose des questions, genre, de morale et d'éthique, et puis ensuite il y répond en prenant les exemples des différents. C'est Cyrus North, en fait. Oui, un peu, c'est un peu ça. En plus, il est comedy writer. Ok. Donc c'est cool. Michael Schur qui a aussi co-créé, enfin un des créateurs de Brooklyn Nine-Nine. Oui, enfin, c'est le génie du gars. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de séries qualitatives. Il a commencé au SNL. Il a créé les séries les plus marrantes du moment. D'ailleurs, du coup, modernes. Tu fais bien de le dire parce que ça me fait penser que du coup, il y a plein d'épisodes de podcast en ce moment où il est interviewé parce que il fait la promo de son livre. Bien sûr. Et c'est toujours hyper intéressant de l'écouter parler. Et du coup, j'en place une parce qu'on se dit la philosophie déjà en anglais en plus. Il dit ça. D'accord, les gestes barrières, mais quand même, il y a pas un truc sur YouTube parce que j'adore YouTube. La chaîne Monsieur Phi, qui est quelqu'un qui fait de la vulgarisation de philosophie et qui est assez chouette. J'ai pas vu beaucoup de vidéos de lui, mais à chaque fois que j'ai vu, je trouvais ça hyper intéressant. Donc voilà, si la philosophie ça vous intéresse, lui fait de la vulgarisation. Il y a notamment une vidéo que je crois que c'est la première que j'ai regardée, qui est pourquoi les philosophes médiatiques racontent que de la merde. Ouais. Donc ça parle de Michel Onfray. Ça parle de BHL. C'est François Cluzet qui a écrit ça. Et c'est assez intéressant. Tu me l'as vendu. Tu l'as vendu en une vidéo. Je l'ai découvert aujourd'hui car j'ai reçu une notif. Car il m'a mentionné dans une vidéo qui vient de sortir aujourd'hui parce qu'il a utilisé un extrait de La Boule Noire de Motus. Génial. C'est que des petites coïncidences. Dans ta dernière vidéo, tu as le sweat de Cyrus North. J'ai oublié de dire que dans Drôle, il y a une de mes chansons. Alors il faut. C'est vrai. Et ouais. Ah ouais. Ouais. Oh, trop bien. Mais attends, j'ai même pas. Putain, j'ai même pas fait gaffe. En fait, pars du principe que tout ce que tu regardes, il y a une de mes chansons à un moment. Ce dans quoi tu joues. Oui, voilà. Parce que dans Fantasme d'Eléonore, il y a une chanson. Ah, bien sûr, bah bien sûr. Mais une chanson qui a un rôle important en plus. Bah quand oui. Je l'ai découvert, j'étais là, genre, ouh là là, je vais percer moi. Oh, les droits, ça sème. Allez. Eh bien, quant à moi, je vous conseille un podcast. Qu'à cela ne tienne, moi qui ne fais que proposer des films. C'est vrai. Mais ça. C'est quand même lié un peu au cinéma, puisque ça s'appelle Hollywood French Lover. C'est SoFilm qui balance ça. En gros, c'est, je crois qu'il y a 5 épisodes. Et c'est 4 réalisateurs, donc Alexandre Aja, Pitoff, Jean-Pierre Jeunet et Louis Leterrier. Pitoff ? Pitoff, ouais. De... Qui non, pas fait... le Marseillais, pas non, le Maurice Marseillais non, qui fait Pitoff, la blague, qui fait le pub de la paille. Non, mais Pitoff qui a fait, qui a fait Catwoman et Vidocq. Oui, voilà, ça, Vidocq. Non, mais c'est ça, oui, oui. Vidocq et Catwoman. En gros, c'est 4 réalisateurs français qui sont partis aux States faire un film aux États-Unis. D'accord. Et Pitoff, c'est un des plus intéressants parce que son film n'a pas marché, s'est fait défoncer, lui-même le déteste. Ah oui. Et donc, en gros, c'est plusieurs épisodes où ils disent comment ils sont venus les chercher, l'écriture, c'est un épisode entier sur l'écriture, un épisode entier sur le tournage, un épisode entier sur le montage, oui. Sur la sortie. Et donc, c'est Louis Leterrier sur l'incroyable Hulk, Alexandre Aja sur La colline à des yeux, Pitoff sur Catwoman, et Jean-Pierre Jeunet sur Alien 4. Ouais. Et donc chacun parle de ses expériences. Ah, putain, ceux qui se passent, ceux, il y en a pour qui ça se passe bien, d'autres moins bien, d'autres pour qui ça a bien commencé, ça se pète un peu la gueule. Ça grouille d'anecdotes chambées. Alexandre Aja, qui est un de mes réalisateurs, enfin qui parle de cinéma que je trouve le plus intéressant, il est pas du tout avare en anecdotes et raconte un truc très marrant. À un moment, il y a son chef-op qui veut faire un plan et la productrice dit non, on n'a pas le temps. Tu tournes ton plan, il dit non, mais moi je veux faire mon plan en plein soleil. Là, le soleil est tombé, ça marche pas. Il fait non, tu fais ton plan, j'ai rien à foutre. Et il dit non, si c'est comme ça, je me casse. Et elle dit bah casse-toi, je m'en fous, je te vire, rentre en place. Et donc Aja dit non, si vous le virez, moi je me casse. Fin de journée, il appelle, le producteur les appelle. Du coup, t'es viré. Il fait bah non, enfin, c'était plus un truc, genre, je veux pas que vous le viriez. Ça s'embrouille au téléphone, genre bah non, me virez pas, etc. Et il se dit non, mais je m'en fous, de toute façon, je vais aller voir mes comédiens, ils vont me soutenir. Et il y va, et c'est que des acteurs américains. Ils font ah bah t'es pas viré du coup, t'es encore là et tout. Donc, genre, tout le monde la est. C'est la place du réalisateur dans un film américain et les Français qui se horrible. Confrontent à ça. Et c'est super intéressant. C'est vachement bien. Et c'est vraiment les 4 mecs qui en parlent avec. C'est une nana, je sais pas si c'est elle qui a écrit, mais en tout cas qui présente l'émission et du coup qui. Mais elle les lance pas, quoi. C'est vraiment. C'est ma forme préférée dans les bouquins aussi, c'est des oral stories, quoi. C'est-à-dire qu'elle remet en contexte et après c'est que eux qui parlent et ça s'entrecoupe, etc. Et bref, c'est vachement intéressant, donc je vous le conseille. En plus, c'est très court, hein. C'est vraiment 5 épisodes, je crois. Il s'appelle Hollywood French Lovers par SoFilm, et c'est en podcast partout. Merci beaucoup, chers amis, c'est, l'émission merci. A duré. Où est-ce qu'on peut vous retrouver chacun, Maxime? Et tu as sur YouTube, Twitter, si vous voulez, vous tapez mon nom, merde. Et Zen sur Twitch. Oui, sur Twitch. Bien sûr, un lundi, deux fois toutes les deux semaines. C'est ça. C'est le lundi. C'est le lundi, un lundi sur deux. Voilà. C'est ça. Le prochain, c'est. Le prochain, c'est lundi demain. On sera le 28 mars. Je sais pas si l'émission sera sortie. Bah oui, elle sera sortie. Il y a bien demain, c'est demain soir. Et c'est qui est l'un qui ce soir, l'invité sera Mister MV. Oh, le plaisir. Voilà, tout simplement. Au secours, c'est une de ses phrases. Oui. C'est pas faux. C'est lui qui a dit aussi. On en a gros, tout ça. Tout quoi. Ça, MV quoi. Mais oui. Pyjama. Oui. Nouvel album le 20 mai. Oui. Livre. Déjà des chansons qui sont oui. sorties. Déjà 3 chansons qui sont sorties. Sur le YouTube, oui. Sur Spotify, sur partout. Tout. Donc voilà, on a Pyjama, P-I-J-A-M-A. Ouais, avec simplement. Des espaces si possible entre le Pi, le Ja et le Ma. Pour pas avoir Pyjama avec un Y, vous vouliez dire ça. C'est quoi ce qui se passe sur Google si on tape ton oui, pseudo et qu'on met pas d'espace. C'est vraiment pas belle. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas esthétique. Voilà, Sylvain, donc tu viens de sortir une vidéo. Oui, et normalement de plus en plus sur YouTube. Là, c'est l'année où vraiment on se consacre à ça avec tu Jules. Tu passes la 5e. Tout à fait, on a tu monté une boîte. Mécanique. Oh là là, qui s'appelle comment des... C'est une boîte. Qui s'appelle 1 volt, mais c'est pas de vraiment. Non, c'est juste une boîte. Tu vois, genre, ouais, non, mais. C'est des statuts, tu vois. Vous cherchez des stagiaires, parce que je connais un gars. Bande de chiens. Envoie un CV dans le doute. Non, et donc on devrait sortir peut-être au moins une vidéo par mois. On va essayer en tout cas. Ah, coolos, trop bien. Voir peut-être deux. Mais ça, c'est le planning mission. C'est genre de passer de 0 à 1000, tu vois. Mais aussi, moi, c'est ça que j'adore sur ta chaîne, c'est qu'il y a des trucs très sérieux, machin, mais des fois, tu fais un truc sur les disques de céréales. L'idée, c'est de continuer aussi un peu ça quand même. J'aimerais bien garder ces petits trucs un peu plus cons. Enfin, on peut pas faire que des enquêtes sérieuses. J'ai envie de faire 2-3 conneries à côté. Ouais, mais je sais plus, c'est un morceau d'internet quand même. Non, mais je veux dire, même si le sujet est moins sérieux, c'est des enquêtes, enfin c'est des trucs c'était vraiment sur le sujet, c'est approfondi quoi. C'était pas pour dire qu'il y avait des trucs plus faciles à deux autres, mais c'est pour ça, pour les gens bien sûr. Attention, c'est toujours pour la plèbe, il ressort, il a rien de recentré. Et sinon dans le métaverse avec une petite Heineken Silver avec Thierry Henry, avec Thierry Henry, un mag, c'est quoi, un cocktail de pixels saupoudré de lime de code. Et Adrien Au point virgule pour mes limitations de Bazan avec Jacques Maillot et Aznavour bien sûr. Non, la saison 2 de Derby Girl qui sort début avril, le 4 ou le 8, je sais plus. Début avril, écoutez, en tout cas, c'est déjà en Belgique, c'est déjà dispo. Visitors qui sort, j'ai pas le droit de dire quand, mais bientôt. J'ai tout vu. T'as tout vu. J'ai tout vu, je te le dis, Moi, j'ai même pas tout vu. Génial. Comment on peut mieux vendre la série en disant que quelques bruitages. On en disons après. Pas plus. On en parlera après, mais il y a une scène. Non, je suis très fier. Ça sort où, Visitors? C'est Warner. C'est Warner TV, donc ce sera sur ma canal. Et alors, c'est très stylé parce que Visitors, ça s'ouvre sur. Le logo Warner TV, mais en mode les logos Warner des années 90 sur le ciel bleu, parce que t'as dû les voir les premiers à Cerimania. Et c'est trop classe d'avoir le logo. L'image est vraiment belle, hein. L'image des Visitors, c'est vraiment du cinoche. Ça fait con, hein, comme phrase, parce que maintenant toutes les séries ressemblent à ça, mais là pour le coup j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une esthétique vraiment classe. C'est vraiment chouette, une belle série, et c'est très drôle. Et puis sinon on sera dans à bientôt de te revoir à la Scala tous les deux, si tout va bien. Oui normalement. Et MST moyennement sur du titre. En fait je crois que ça sort le même jour que sur Canal que Plus Derby Girl, l'émission. Et il y a différents sketchs qui sont sortis sur YouTube, les catchers là, le dernier en date, très drôle. Très drôle, merci, merci. C'est la team, la parodie d'Orelsan le troisième c'est Comme ça vient. Avec Baptiste Le Caplain. Le prochain c'est un sketch que j'ai écrit aussi, c'est avec le décor du cinéma. Oui. Ah trop bien, génial. Et donc c'est ce qui est là. Je joue aussi. Et après vous allez en faire d'autres d'ailleurs. On a commencé l'écriture des deux suivants. Trop bien, c'est avec toi en directeur d'écriture, et les auteurs c'est Frédéric Gladieux, Lucas Pastor, Vincent Tirel et Yvick. Et toi, parce que tu n'es pas que directeur, tu écris dessus aussi. Exact. Voilà, et bien quant à moi, pareil, quelques sketchs d'MST dont j'étais directeur d'écriture avec Adrien, et la tournée de Baptiste Le Caplain. Et j'ai co-écrit le truc d'Orelsan, et la tournée de Baptiste Le Caplain, que j'ai co-écrit avec lui, qui joue un peu partout, donc n'hésitez pas à regarder les dates. Baptiste Le Caplain. .fr. Merci tout le monde. Merci. Désolé le chien, pardon pour les mots. Pardon pour les mots. Dites qu'elle sent bon. Tu sens bon le chien. Vraiment, je vais pas aller jusque là. Après dans cette émission. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.